Mesdames, Messieurs, la radiodiffusion française vous présente, en transmission différée, la diffusion des spectacles donnés au Théâtre de Suresnes par le Théâtre National Populaire, directeur Jean Villard. Vous allez pouvoir écouter dans quelques instants Mère Courage, pièce en 11 tableaux de Bertolt Brecht, mise en scène de Jean Villard, traduction de Geneviève Serrault et Benno Besson, musique de Paul Dessau. L'orchestre est placé sous la direction de Maurice Jarre. La présentation du spectacle a été confiée à M. Charles Lemont. Nous lui cédons le micro. Rappelons d'abord que l'auteur est né à Augsbourg, dans le sud de l'Allemagne, en 1898. Cet amoureux passionné de Villon et de Rimbaud, ce révolté qui a fait d'abord ses études de médecine, chante dans un hôpital de sa ville natale où il soigne les blessés pendant la Grande Guerre ses premières chansons montrant son amour pour le peuple, pour les humbles, pour les misérables, pour les innocents sacrifiés. Il les chante à plein poumon, disons mieux, à plein cœur. Et puis, Max Reinhardt, le grand metteur en scène, monte Tambour dans la nuit du jeune Bertolt et l'appelle comme assistant metteur en scène. C'est que Reinhardt a bien senti tout de suite comment l'auteur et le metteur en scène se lient étroitement chez cet artiste dramaturge. Plus étroitement d'ailleurs que chez beaucoup d'autres. Dès l'avènement d'Hitler au pouvoir, Brecht doit quitter l'Allemagne, lui qui n'a cessé de découvrir sans pitié les vices qui rongent son pays, les tares des gouvernants. Il l'a fait d'ailleurs avec une vigueur, avec une force digne de toutes les loges et digne aussi de toutes les attaques dont il a été la victime. Les tortionnaires consciencieux, il les bafoue, lui rudement encore que tous ceux qu'il déteste et méprime. Il les bafoue sans souci de ce qui peut lui en coûter. Et les hommes qui combattent comme lui ces monstres puissants deviennent ses amis, ses alliés. À 35 ans donc, Brecht s'en va d'Allemagne. Il n'y rentrera que 15 ans plus tard. En exil, il ne cesse d'écrire, cela va de soi, et toujours, cela va de soi aussi, dans la ligne qu'il s'est tracée. En 1940, Mère Courage. C'est à Zurich, en 1943, que la pièce est révélée au grand public. Et puis c'est Vienne, c'est Berlin, c'est la Hollande. 1951, Jean Villard la monte à Paris. On devine avec quelle ferveur, avec quel bonheur. Il trouve moyen d'y dépenser sans compter, d'y affirmer une fois encore ses éclatantes qualités. Le metteur en scène de Meurtre dans la cathédrale et l'auteur de l'opéra de Quatre sous, collaborant, quel tandem, quelle garantie de triomphe. Ce triomphe n'a pas manqué. Et comme l'on conçoit sans peine que Jean Villard ait été attiré par cette étonnante Mère Courage, par cette cantinière, par Anna Firling, pour l'appeler par son nom, qui espère bien à tort se tailler sa part de gâteau dans une guerre menée sous les drapeaux des princes allemands, suédois, français, autrichiens. Pour elle, qu'importe la mort d'un maréchal quand la guerre a défiguré sa propre fille. Voilà ce qui compte à ses yeux. Et l'un des deux excellents traducteurs, les deux parfaits traducteurs de la pièce, Benno Besson, à qui j'ai emprunté certaines de ses lignes, a excellemment souligné ce qu'il faut retenir de Mère Courage, à savoir que le quotidien il est décrit comme un événement d'importance historique, ce quotidien cher à la forgue, ce quotidien auquel nul n'a le droit de s'habituer. Il a raison de rappeler ces phrases du prologue d'une autre pièce de Brecht, qui éclaire de son jour véritable Mère Courage. Écoutez plutôt. Regardez bien comme ils agissent. Sous leurs actes familiers, découvrez l'insolite. Dans la coutume et l'usage, discernez l'inexplicable. Derrière la règle consacrée, décelez l'injustice. Méfiez-vous du moindre geste, fût-il simple en apparence. Ne dites pas c'est naturel devant les événements de chaque jour. En un temps où coule le sang, où on ordonne le désordre, où l'arbitraire prend force de loi, où l'humanité se déshumanise, ne dites jamais c'est naturel, afin que rien ne passe pour immuable. Ah, cette Mère Courage qui deviendra peut-être un jour, je le pense, un personnage aussi populaire que Madame Sans-Gêne, par exemple, comme elle a du bon sang parfois, et toujours de la verve, comme elle comprend à sa manière les hommes et les choses, les grands et les petits, elle qui déclare, dans un bon pays bien ordonné, avec un chef et des capitaines à la hauteur, des qualités moyennes, ça suffit. Et qui affirme ailleurs, les plus beaux projets s'effondrent par la mesquinerie des gens qui devraient les réaliser. Or, n'est-il pas vrai que c'est par l'absence totale de mesquinerie que notre ami Jean Villard est en train de réaliser le beau, le magnifique projet, c'est celui d'un théâtre national populaire. Il me semble que dans un coin de la salle, Mère Courage applaudit de toutes ses forces à sa réussite, et c'est là la meilleure récompense du jeune directeur. Caporal et un recruteur tout grelottant de froid. Et allez donc recruter une compagnie dans ce maudit pays. Caporal, j'ai la mort dans l'âme. Le maréchal de camp veut 4 escouades pour le 12 du mois. Mais les gens d'ici sont si malins que le vent dort plus de la nuit. Mais pas moyen de leur mettre la main dessus. À la fin des fins, t'en attrapes un, tu le toises en moins de 2, tu fermes les yeux sur son torse de poulet, sur ses varices, tu le saoules, il est à point, il signe son engagement. Alaires il dit, je vais pisser, tu flaires une feinte, tu bondis vers la porte, ça y est, il est parti. Tu lui laisses qu'un trou sous l'ongle. L'homme n'a plus de parole, l'honneur s'en va. Caporal, j'ai perdu confiance en l'humanité. C'est clair, voilà trop longtemps qu'on vit en guerre ici. D'où viendrait la morale, hein? La paix, c'est la pagaille. La guerre, c'est l'ordre. L'humanité souffre et prospère, à tort et à travers, en temps de paix. Ah, on gaspille gens et bêtes à qui mieux mieux. Chacun trouve ce que bon y vend. Une tranche de lard sur du pain blanc et du fromage par-dessus l'art. Tiens, dans cette ville là-bas, combien y a-t-il de jeunes garçons et de chevaux valides? Personne n'en sait rien. On les a seulement jamais comptés. J'ai vu des endroits qui sont restés sans guerre pendant bien 60 ans. Eh bien, les gens n'avaient même pas de nom. On ne se connaissait pas soi-même. Ce n'est que là où règne la guerre, on trouve de bonnes listes et des registres à jour. Des souliers mis en ballot et du blé en sac. Bêtes et gens dûment recensés, éparqués. Parce qu'on se dit, sans ordre, pas de guerre. Et on a raison. Comme c'est vrai, ça, caporal. Comme tout ce qui vaut quelque chose en ce monde, la guerre a des débuts pénibles. Mais une fois lancée, elle est tenace. Bientôt, les gens en arrivent à avoir peur de la paix. Exactement comme les joueurs redoutent le moment de lâcher leurs cartes. C'est qu'alors, il faudra bien qu'ils se mettent à compter leurs pertes. Mais au début, c'est de la guerre qu'on a peur. Elle vous sort vos habitudes. Oh, hein? Regarde, une carriole. Deux femmes et deux gars. Occupe-toi de la vieille, caporal. Et si ça donne rien, je vais pas continuer à me coller dans ce petit banc d'abri, quoi, je te le dis. Allez, brave Jean. Bonjour, caporal. Qui êtes-vous? On est dans le commerce. Oh, gars. Deuxième régiment finnois. Montrez vos papiers. Papiers. Et c'est la merde. Courage, vous le voyez bien. Je connais pas. Pourquoi est-ce qu'on appelle courage? On l'appelle courage parce qu'elle a eu peur de perdre son bien. Et qu'elle a traversé le feu des canons de Riga avec 50 miches de pain dans sa roulotte. Les places se mettaient à moisir, le temps pressait, j'avais pas le choix. Pas d'histoire. Sors tes papiers. Voilà toute ma paperasse, caporal. Ça. C'est un missel de Strasbourg, un sac pour emballer les cornichons. Voilà une carte de la Moravie. Dieu veuille que j'y passe un jour, sans quoi la carte est bonne pour les rats. Ça, c'est des cachets prouvant que mon cheval n'a pas la fièvre afteuse. La pauvre bête est morte, elle avait coûté 15 florins, pas à moi, Dieu merci. Ça suffit comme papier? Ça fait rentrer ton insolence. Tu sais qu'il te faut une patente. Tu veux m'avoir? Restez poli. Mais pas dire devant mes enfants que je vais vous avoir. Je fais pas de proposition, moi, je vous connais pas. Au deuxième finnois, j'ai qu'une patente, c'est ma figure honnête. Et si vous savez pas y lire dessus, tant pis pour vous, j'y ferai pas mettre un teint. Et caporal, je sens que cette personne a l'esprit subversif. À l'armée, on aime l'ordre. Non, la soupe. Ton nom? Anna Firling. Bien, alors, tout ça, c'est des Firlings. Pourquoi? Moi, je m'appelle Firling, quoi. Hein? Vous croyez que c'était tes enfants? Parfaitement. C'est une raison pour qu'ils aient tous le même nom. Bon. Celui-là, par exemple. Il s'appelle Elif Najaki. Ouais, c'est que ton père a toujours prétendu s'appeler quelque chose comme Kojaki ou Najaki. Ah, il se souvient bien de son père, Elif. Seulement, c'est d'un autre qui se souvient, un français, à Barbiche. À part ça, le petit a l'intelligence de son père, un gaillard rusé, capable de vous déculoter un paysan sans qu'il s'en aperçoive. Pour les autres, c'est pareil, chacun de nous a son nom. Hein? Tous des noms différents? Faites donc pas l'innocent. Alors, celui-là, c'est un chinois? Pas du tout. C'est un suisse! Qui est venu après le français. Après le français, quel français? Il n'y a pas eu de français! Oh, vous ne voyez pas tout, on sera encore l'espoir! C'est un Suisse, mais son nom, c'est Feyoche. Mais le père s'appelait pas du tout comme ça, d'ailleurs. Il travaillait dans la construction des forts. Un buveur, par exemple. Alors, comment fait-il que le garçon s'appelle Feyoche? Je voudrais pas vous vexer, mais c'est pas l'imagination qui vous étouffe. Comment Feyoche est venu au monde? J'étais avec un Hongrois. Moi, ça lui faisait rien au pauvre homme que je sois gros, s'il s'en allait du foie. Dieu sait pourtant qu'il avait jamais tenté à l'alcool. Un honnête homme, garçon, c'est lui tout craché. Mais c'était pas son père. Ben n'empêche, c'est lui tout craché. Je l'appelle Petit Suisse. Et celle-là, elle s'appelle Catherine Hobbs. Elle est à moitié allemande. Eh ben vrai, une jolie famille. Ouais. J'ai fait le tour du monde avec ma roulotte. On va noter tout ça. Et celle, le bof. Et Jacob, le bof. Voilà comment on devrait vous appeler. Ah ben, c'est des vraies bêtes de choc. Ça m'étonnerait si on vous était jamais de cette carrière. Merde, j'ai pas lui envoyer mon poids sur la gueule. Oh, je voudrais bien. Ouais, moi, je te le défends. M'entends? Tiens-toi tranquille. Non, maintenant, messieurs les officiers, n'avez pas besoin d'une belle dague hein, ou d'une boucle de ceinturon. La vôtre doit être toute usée. Ah, c'est pas de ça que j'ai besoin. Voici deux beaux gaillards, hein. Large d'épaule. Droit comme des boulots. fort du mollet, je me demande ce qu'ils attendent pour prendre du service. Il n'y a rien à faire, caporal. Mes enfants sont pas faits pour le métier des armes. Et pourquoi pas? Il y a de l'or et de la gloire à y gagner. Trafiquer dans la chaussure, c'est l'affaire des femmes. Allez, c'est une mauviette, il suffit qu'on le regarde un peu durement, il tombe sur les pots. On écrasera un gros passage. Hein. Mais ben vous ne l'aurez pas. Pardon, il a traité ma bouche de gueule. Allez bien avec moi dans ce champ, nous allons vider la querelle en homme. T'en fais pas, mère, t'en pensez pour... Reste ici, voyou, je te connais, tu ne cherches que plaie, boss. Il a un couteau, il va te saigner. Tu arracherais comme une dent de lait. Viens, mon petit gars. Caporal, je le dirai au colonel, vous irez tous les deux en tôle. Le lieutenant fait la cour à ma fille. Ah, et doucement, camarade, hein. Qu'as-tu contre l'armée? La père de ce garçon était soldat, non? Il est mort en bras, tu l'as dit toi-même. Il est mort, voilà tout. C'est encore un enfant? Je vous connais. Vous m'emmenez à l'abattoir et vous toucherez 5 florins pour la presse. D'abord, on lui donnera un gros képi et une belle paire de bottes avec des envers. Je ne veux rien recevoir de toi. Viens m'aider à faire un civet, dit le cuisinier au lapin. Allez, petit fils, va crier partout pour vous lui voler ton frère. Essayez un peu de me le prendre, vous saignerez, canaille. Vous apprendrez, moi, à faire la guerre avec mes enfants. Nous vendons honnêtement de la toile et des jambons. Nous sommes des gens paisibles. Ah oui, ça toi, ton couteau. Et la balance, allez, rentre tes griffes. Hein? La guerre, c'est ton gagne-pain, tu l'as dit toi-même. Tu vises la guerre, toi. Eh bien, il n'y a pas de guerre s'il n'y a pas de soldats. Ne frappe pas mes enfants. Hein, tu veux garder la viande, la guerre aura les os. Hein? Elle vous engraisse, toi et les tiens. Et en échange, qu'est-ce que tu lui donnes? Rien du tout. Oh. Ça s'appelle courage et ça a peur de la guerre. Les parisiens n'en ont pas peur, eux. J'ai pas peur de la guerre, moi. Mais pourquoi diable en aurais-tu peur? Regarde-moi. Est-ce que ça n'a pas réussi la vie militaire? Je suis venu à 17 ans. Mais ça n'a pas encore 60 000. Ah, ça viendra. Oui, peut-être à 6 pieds sous terre. Quoi? Tu veux dire que je vais mourir? Et si c'était vrai? Si c'était marqué? Si je te disais que tu n'es qu'un cadavre en permission. Elle a la seconde vue. Tout le monde sait, elle dit l'avenir. Eh bien alors, dis-lui un peu son avenir au caporal. Ça lui fera certainement plaisir. J'y crois pas. Ton cas. C'est des idioties, tout ça. Dis toujours, va, qu'on rigole un coup. Mes enfants, regardez, c'est ainsi que nous serons déchirés. Nous nous laissons entraîner trop loin dans la guerre. Sur ce papier, je dessine une croix noire. Noir, c'est la mort. Et l'autre est en blanc, tu vois. Je plie les morceaux de papier comme ça. Puis je les mélange. Exactement comme nous sommes tous mêlés aux les uns aux autres, sitôt sortis du ventre maternel. Maintenant, tire un billet, tu sauras ton destin. Je n'enrôle pas n'importe qui. Je suis très difficile à contenter, ça tout le monde le sait. Seulement toi, t'as de la fouille. Ça me plaît. Oh, c'est des pets dans l'eau, tout ça. Juste pour vous en mettre plein la vue. Il a tiré une croix noire. Il est foutu! Et surtout, ne te laisse pas bourrer le crâne, toutes les balles ne tuent pas, tu m'en viens. Tu m'as roulé! Tu t'es roulé toi-même le jour où tu t'es fait soldat! Et maintenant, en route! Allez, allez, c'est pas tous les jours la guerre, faut que je me remue! Je ne te laisserai pas plus longtemps nous mettre en boîte! On va l'emmener, ton garçon! Il sera soldat! Moi, je voudrais bien, mais. Vas-tu fermer ça, diable finnois? Ma petite-fille aussi veut devenir soldat! Ça, par exemple. C'est du lourd. Bon. Eh bien, je vais vous faire tirer au sort tous les trois. Les gens cherchent à nous nuire en racontant qu'on est confis dans la bigoterie au camp des Suédois. Pure calomnie. On y chante des psaumes que le dimanche et encore. Uniquement ceux qui ont de la voix. Je vais parler, c'est papier. Tiens, tire un billet, tu seras ton destin. Et voir une croix. Oh, mère infortunée, la sein gonflé de douleur, il mourra fauché dans sa pleure, la témérité le perdra comme elle a perdu son père. Tu te vas être raisonnable. Oui, peut-être. Alors sois sage, reste avec ta mère et tu traites de mouviatre et leur au nez. Ah, tu fais dans ton front, que ça va, je prendrai ton frère. J'ai dit de leur rire au nez, ris. À toi, petit fils, tire. J'ai moins peur pour toi, t'es honnête. Il est blanc, n'est-ce pas? Une croix, lui aussi! Serait-ce à cause de ta grande innocence? Oh, petit fils, tu es perdu si tu ne restes pas toujours honnête, comme je te l'ai appris dès le berceau. Rapporte-moi toujours la monnaie quand tu vas chercher du pain, tu t'attends que je te salue! Tu vois, caporal, tu manges une croix noire? Une croix noire, c'est vrai, mais comment se fait-il que moi j'en ai tiré une? Tu comprends bien, je me tiens toujours à l'arrière des lignes. Ah, mais elle ne triche pas, ses propres enfants sont frappés. Maintenant, il me reste plus que toi. d'avoir fait déjà une fois. Toi aussi, ton bon cœur, tu te perdras. Heureusement que t'es muette. Ça t'évite pas de faire des sottises, ça t'évitera au moins d'en dire. Ben voilà, maintenant chacun sait ce qu'il attend. Ben soyez prudents, vous en avez tous besoin. Et maintenant, en voiture, on continue. Allez, allez, vite. J'ai quelque chose. Oh, je ne me sens pas bien. Tiens-le, achète-lui quelque chose. Oh, arrêtez, il y a le caporal qui veut vous acheter. Il veut vous acheter une boucle de ceinturon. De ceinturon, un demi-fleurette, ouais. Non, vous deux. Hein? Oh, elle n'est pas toute neuve, hein. Pas de faire un vent de ce côté. Mettons-nous à l'abri, je voudrais l'examiner à loisir. Où hein? Ça, du vent? Oh, ça vaut peut-être un demi-fleurin. C'est ton argent. C'est bien fait, ton. Viens, on va aller voir un courant trop. Viens, c'est les couples dans les poches. Alors, un demi-fleurin? C'est-à-dire rien comprendre. Ça me tient toujours à l'arrière, un poste de tourpeau. J'expédie les eaux profondes, ils vont sans moi cueillir des lauriers. Oh, j'ai plus goût de rien, je serais pas fichu d'avaler la moindre bouchée. Mais faut pas prendre les choses sans cœur, y'a pas de quoi se détruire l'appétit. Et t'as qu'à rester à l'arrière, voilà tout, tiens. Ah, voilà, écoute, dis, Florin, rebis sur l'ongle. Tu deviens un vaillant soldat au service du roi. Toutes les femmes te tombent dans les bras comme des pêchus. Et même moi, je te permets de me casser les deux puisque je te pensais. Je viens, Catherine, je viens, le caporal finit de tout. Je me méfie de toutes les pièces d'argent, caporal. Ça est chaud des crânes froides. Et maintenant, en avant, allez. Où est Elise? Il est parti avec le cruteur. Innocent que tu es. Non, chère, c'est pas ta faute, tu peux rien dire. À toi de boire un coup, la mère. Ainsi va la vie. Être soldat, ce n'est pas si terrible. Ah, tu voudrais bien profiter de la guerre, mais sans y laisser de plumes, hein? De quoi est ton frère, Catherine? Tu profites de la guerre. Il faudra bien lui payer son salaire. Centenaire, ou un misérable moineau. Un misérable moineau? Une bête qui sue la graisse. Allez, allez, votre capitaine peut bien s'offrir un chapon de 60 liards, c'est le dernier des gloutons. Alors à vous, tu trouves rien sur ton assiette à midi. Des chapons comme celui-là, le premier pecno venu, moi, c'est d'une douzaine pour 10 liards. Premier pecno venu, pour 10 liards, en plein ciel, avec la famine qui vous décolle la peau du ventre. On pourrait être un rat des sangs. Bien peut-être, les rats on les a tous bouffés. Ils en ont enlevé un l'autre jour, un sale rat, tout décharné, ils sont mis à 5 à le courser pendant toute une après-midi. 50 milliards. Pour un énorme chapeau en plein ciel. C'est les autres qui sont assiégés, mon Dieu, pas nous. Nous on est les assiégeants. Vous ça dans la tête une fois pour toutes. Mais n'empêche qu'on trouve rien à bouffer, moins que ceux qui sont dans la ville. Eux, ils ont tout raflé, 10 lieux à la ronde, ils sont enfermés avec leurs provisions, ils font ripaille, tandis que nous. Voir chez les paysans. Ils n'ont pas ça. Ils ont tout. Ils le cachent. Ils n'ont rien. Ils sont ruinés. Ils grignotent leurs écuelles. J'en ai vu qui déterraient des racines. L'eau leur coule des babines à la vue d'une courroie. Voilà où on en est. Moi, j'ai un chapeau. Et vous me le volez. Pour 40 liens. 30, pas 40. 40. J'ai dit 30. Vous savez, c'est pas le premier chapeau venu. C'est un animal extraordinairement doué, à ce qu'on m'a dit. Il se nourrissait qu'en musique, sur l'air de sa marche préférée. Il savait compter. Et vous regrettez vos 40 pierres? Le capitaine vous coupera les oreilles, il n'a rien à déjeuner. Regardez bien ce que je vais faire. J'ai là un beau morceau de peur. Je vais le mettre à cuire. Je vous donne 10 secondes pour décider. Dernier délai. C'est là à cuire, c'est un morceau de l'an dernier. Il est d'hier soir. Pas plus tard qu'hier soir, je l'ai vu en personne se promener sur ses quatre pattes. Alors, c'est qui pourrit sa vie? Je le cuirai 5 heures s'il le faut. On verra bien s'il résiste encore. Ajoutez-y beaucoup de poivre que le capitaine sente pas qu'il pue. Entre, Félix, mon fils. Entre chez ton capitaine. Prends place à ma droite. Tu t'es conduit en héros, en pieux soldat. Ce que tu as fait, tu l'as fait pour Dieu au cours de cette guerre sainte. Ton exploit s'en trouvera haussé à mes yeux. Je vais te donner un bracelet d'orphin. Attends seulement que la ville soit à moi. On vient sauver leurs âmes. Et que font-ils, ces pourris, ces cochons de paysans? Ils plongent leur bétail pour garder leur purée par devant et par derrière. Mais toi, tu leur as appris à lire. Viens, un cruchon rouge, faisons qu'ils sèchent tous les deux. Quant à l'aumônier, il aura une portion de crotte. C'est un dévot. Et toi, que veux-tu pour ton déjeuner, mon cœur? Un plat de viande, pourquoi pas? Du lumière, de la bidoche. Il a de la compagnie et moi, j'ai rien dans la marmite. Rossez les paysans, ta creuse. Je suis marié, c'est mon élève. Quoi? C'est mon fils aîné. Il y a 2 ans que je l'ai pas vu, on l'a volé sur la grande route. Il va être bien âgé pour que le capitaine l'invite à sa table. Et toi, qu'est-ce que tu comptes leur faire vivre? Rien! T'as entendu? L'invité du capitaine veut de la viande sur son assiette. Et ben, un bon conseil! Prends le chapon et cesse de palabrer. Je te laisse pour un florin. Amène la boustifaille, fiston d'enfer! Crapule! La boustifaille ou je te casse la gueule! Elle est ton chapon, égorgeuse! Ça n'est plus un misérable moineau. C'est un misérable moineau, allez, donne-nous tout de même! 50 yards, c'est un péché! J'ai dit un florin. Pour mon aîné, pour l'invité chéri du capitaine, rien n'est trop cher. Au moins, plume-le pendant que j'allume le feu. Je vais en ouvrir des yeux en voyant ici. Un garçon intelligent que j'ai là. Et audacieux. Élise, mon fils, goûte encore un peu de ce petit falerne. C'est mon vin préféré. Je n'en ai plus qu'un tonnelet ou deux, mais je ne le regrette pas, va. Tu m'as donné la preuve, toi, que la sainte foi n'est pas morte dans mon armée. Ce berger des hommes ne sait que prêcher en nous regardant faire. Ah, l'impuissant! Maintenant, Élise, mon fils, raconte-nous un peu comment tu as berné ces paysans et capturé 20 bœufs. Eh bien voilà, je savais que les paysans profitaient de la nuit pour amener leurs bœufs en cachette. Dans un petit bois, où ceux de la ville venaient les chercher. Ouais. Moi, je les laisse planquer leurs bœufs. Ben, des bœufs, encore des bœufs, des bœufs. Moi, je bronze pas. J'avais mis mes hommes à la portion congrue depuis 2 jours pour leur donner le goût de la viande. Ils en salivaient jusqu'au menton, rien que d'entendre un mot qui commençait par vie, comme violon ou vierge. Ah, ça, c'était malade, ta part. Peut-être. Après, ça a été tout seul. Sauf que les paysans étaient armés de gourdins et 3 fois plus nombreux que nous. Ils nous ont livré un assaut de tous les diables. Tout de suite, j'en ai eu 4 sur moi en plein dans les fourrés. Ils me font sauter l'épée des mains. Ils me crieront, toi. Ça me dit que faire. Hein? Ils vont me mettre en bouillie. Alors, qu'as-tu fait? J'ai éclaté de rire. Ouais, éclaté de rire. Alors, on a causé. Tout de suite, je propose un marché. Je dis, 20 florins pour un bœuf, c'est trop pour moi. J'en offre 15. Comme si j'avais l'intention de payer. Ah, il reste bouche bée. Ah, il se rate la tête. Vite, je me baisse, je ramasse mon épée, je les taille en pied. Ah, aide-toi, le ciel t'aidera, pas vrai? Qu'en dis-tu? Berger des hommes! Ben, à proprement parler, ceci n'est point dans les Écritures. Notre maître, il est prêt avec 5000 sequins, a réussi le miracle d'en faire 500. Mais c'était dans un temps où le ciel venait facilement en aide aux gens. On pouvait exiger d'eux une certaine honnêteté, une certaine obéissance aux prescriptions divines. Eh ben, de nos jours, c'est une autre affaire. Une toute autre affaire. Bois tout de même un coup. Va, pharisien. Alors, toi, tu les as taillés en pied. Ouais. Voilà qui est bien. Pour que mes braves aient un bon quartier de viande à se mettre sous la dent. Ne dit-on pas dans les Écritures ce que vous faites aux plus petits d'entre vous? C'est à moi que vous le faites et que leur as-tu fait? Toi, à mes petits soldats, tu leur as donné de la bonne viande de bœuf. Ceux qui ne veulent plus de pain moisi depuis qu'ils se battent pour la cause de Dieu. Mais je me baisse, je saisis mon épée. Ah, je les taille en pièces. Tiens, sang d'un César dans les veines. Tu ferais aller voir le roi. Ouais. Tiens, vide le cruchon. Je l'ai vu de loin. Oh, on dirait un soleil. Je voudrais lui ressembler. Ils ont des traits communs. Des soldats comme toi, Philippe, je les estime. Je les traite comme mes propres enfants. J'aime leur bâtard. Viens voir un peu dans quel pétrin nous sommes. Ah, il en faudrait beaucoup d'aussi braves que toi. Ça doit être un bien mauvais capitaine. Il est glouton, mais pourquoi mauvais capitaine? Parce qu'il lui faut de braves soldats. S'il savait faire un bon plan de bataille, il n'aurait pas besoin de braves. Des soldats lui suffiraient. D'ailleurs, partout on trouve de grandes vertus, on peut être sûr qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous voyez que c'était bon signe, les grandes vertus. Non, c'est signe que quelque chose cloche. Imagine que le capitaine est un sot. Il conduira ses hommes dans un cul-de-sac. Ils devront déployer du courage pour pas y laisser leur peau. Si le chef est un avare, qui lésine sur le nombre de soldats recrutés, il faudra que tous ses hommes soient d'une force herculéenne, du premier au dernier. Si c'est un Jean-Foutre qui se soucie de ses hommes comme d'une fille, il faudra qu'ils se conduisent avec beaucoup de prudence. S'il les accable de ses exigences, ils tiendront qu'à force de fidélité. Tout ça, ce sont des vertus dont on n'a pas besoin dans un pays ordonné, avec un roi et des capitaines à la hauteur. Dans un bon pays, des qualités moyennes suffisent. On peut se permettre d'être bête ou même lâche, si ça vous plaît. Je parie que ton père était soldat. Oui, un brave soldat, ce qu'on m'a dit. Ma mère m'a bien recommandé de ne pas y ressembler. Je connais une chanson là-dessus. Chante-la-nous. Ça vient, la puissance. Ça s'appelle la chanson de la femme et du soldat. Il y a du regret, il y a du remords. Pour qui joue l'esprit fort, en se moquant du conseil des gens sages, l'eau de glace te guette, sois prudent, n'y va pas, disait la femme au soldat. Mais le soldat, son mousquet sur le dos, avec son tirer en coin, s'avance dans l'eau. Passer le gué, ça n'est pas la mer à boire. Passer le gué, ça n'est pas la mer à boire. Quand la lune luira blanche sur le chaume des maisons, alors nous reviendrons, alors nous reviendrons à la belle saison. Disent à la femme les soldats. S'est envolé comme au vent la fumée, tes exploits ne nous la rendront pas. Fumée dissipée, Dieu vous garde dans son ciel, disait la femme aux soldats. Mais qu'est-ce que c'est? Mais le soldat, son mousquet sur le dos, avec son tirir en coin, roule au loin dans les flots, car le fleuve engloutit ceux qui le passent. La proie de lune brille toute blanche sur les toits, mais le soldat descend le fleuve sous la glace, il se foutait ce qu'on lui disait. Sa chaleur s'est envolée comme au vent la fumée, ses exploits ne nous la rendront pas. Il y a du regret, il y a du remords, pour qu'il joue l'esprit fort, disait la femme aux soldats. On ne se gêne pas dans ma cuisine aujourd'hui. Alors, on se retrouve. Comment vont les autres? Heureux comme des poissons dans l'eau. T'es Suisse et trésorier au 2e régiment, au moins ils montent pas en ligne. Récemment, il a fallu qu'il s'engage, lui aussi, pour moyen de leur tenir. Comment vont tes pieds? Oh, le matin, j'ai toujours du mal à entrer dans mes souliers. Ainsi, tu es sa mère. Tu n'aurais pas d'autre fils aussi bon que celui-là à me donner? Ça, c'est de la chance, ça. Tu arrives juste à temps pour entendre les louanges qu'on fait sur ton fils. Ouais, j'ai tout entendu. Oh! C'est parce que j'ai volé les bœufs? Non. C'est parce que tu ne t'es pas rendu quand les quatre paysans sont tombés dessus pour te mettre en bouillie. T'avais dit de prendre garde à toi, oui ou non, espèce de diable filou! Oui, mais... Je vous laisse le sachet de balles pour 2 florins. C'est pas cher. J'ai besoin d'argent. Mon colonel est parti depuis 2 jours avec les officiers, il n'y a plus de 20. C'est des munitions de l'armée? Si on trouve ça chez moi, je passe en cours martial. Vous vendez les munitions, canaille. Le soldat n'a rien dans son fusil quand l'ennemi monte à l'assaut. T'en fais pas les griffes. La main droite ignore ce que fait la main gauche. Prends pas le matériel de l'armée. Pas ce prix-là. Vous les retirerez discrètement ce soir à l'intendant du 4e régiment. Il vous en donnera 5 florins. Et même 8, si vous lui signez un reçu de 12 florins. Lui, il n'a plus de munitions du tout. Faites le coup vous-même, qu'est-ce qui vous retient? J'ai pas confiance en lui, c'est un ami. Catherine, mets ça de côté. Et paye-lui 1 florin et demi. Ah non, 2! J'ai dit 1 florin et demi. Toi, reprends ton caleçon. On est en octobre et l'automne peut venir si ça se trouve. Tant bien? Je ne dis pas l'automne doit venir. J'ai appris à ne rien attendre avec certitude, pas même l'avenue des saisons. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il faut que la caisse du régiment soit en règle. Quoi qu'il advienne, elle est en règle, ta caisse? Oui, mère. Ben, n'oublie pas ça. Tu es devenu trésorier, tu le dois à ton honnêteté. Ils t'ont choisi parce que tu es un bon garçon et pas un casse-cou comme ton frère. Puis tu es trop naïf pour songer à lever le pied avec la caisse. Une idée qui deviendrait penser à toi. Mais ne me perds pas ton caleçon! Non, mère, je vais le serrer sous ma paillasse. Parle avec toi, trésorier. Et pas lui enseigner vos tours d'escroc. Tu pourrais te saluer, intendant. J'aime pas les voir ensemble. C'est pas le genre de fréquentation qui convient à mon petit juif. Enfin, la guerre a bonne mine. Elle a bien pour 5 ou 6 ans avant que tous les pays soient entrés en danse. Un peu de prévoyance, beaucoup de prudence, et j'aurai de bonnes affaires. Et tu sais bien qu'avec ta maladie, tu dois pas boire avant midi. Qui dit que je suis malade? C'est des calomnies. Tout le monde le dit. C'est que tout le monde ment. J'en peux plus, mère Fourage. Ils sont tous à m'éviter comme un poisson malade à cause de ces mensonges. Je me demande pourquoi j'avance encore ce chapeau. C'est pour ça, tenez, que je bois avant midi. Jamais ça m'arrivait avant. Ça donne des rires. Mais maintenant, je m'en moque bien. Tout le monde me connaît au 2e petit noir. J'aurais dû rester chez nous quand mon premier m'a plaqué. L'orgueil, c'est pas fait pour des gens comme nous. Nous autres, on doit savoir avaler de la boue, la digérer sans grimace. Sans ça, on dégringole tout au fond. Arrête! Commence pas à parler de ton Pierre, à remâcher ton histoire devant ma fille qui est innocente. Raison de plus pour qu'elle entende, ça l'endurcira contre l'amour. On n'endurcit personne contre ça. Alors je la raconterai parce que ça me soulage. Rien ne serait arrivé si j'étais pas née dans le beau pays des Flandres. Jamais je l'aurais rencontré. Et je serais pas ici à l'heure qu'il est. En Pologne. Il était cuisinier militaire. C'est un brin. Un Hollandais. Un Hollandais. Maigre. Catherine. Méfie-toi des maigres. Moi, je m'en méfiais pas, alors. Je savais pas non plus qu'il avait déjà une autre fille. Et qu'on le surnommait Pierrot la pipe. Parce qu'il faisait l'amour la pipe au bec. En passant. J'avais 16 ans, à peine. Quand l'ennemi vint chez nous, il a mis sa dague dans sa gaine et m'a dit que des mots très doux. Quand la nuit est tombée, c'était la nuit de mai. Tambour battait, le clairon sonnait. Régiment rampait sur la paille. Les filles en lèvres par la taille. Salut fraternisé. Dès le midi, la ville était pleine. Le mien, c'était un cuisinier. Deux jours pour lui, je n'avais que haine. Mais la nuit, il fallait bien l'aimer. Quand l'ombre descendait, le clairon sonnait, régiment ronflait sur la paille, mon ennemi me prenait la taille. On fraternisait cet amour dans mes veines. C'était une force du ciel. Pour les miens, c'était une chienne. D'aimer d'un j'ai sombré dans le cafard. Tambour battait dans la grisaille. On a brûlé toute la paille. Et l'ennemi, le mien aussi. Couru après. Pour mon malheur, mais jamais plus je l'ai revu. Il y a 5 ans de cela. Doublez ton chapeau. Doublez le chapeau. Docteur Delson, Catherine. Ne mêle jamais, tu m'entends, de fréquenter les soldats. L'amour, c'est une force du ciel, je te préviens. Même avec les civils, c'est pas tout rose. Ton amant te raconte qu'il va baiser la terre là où ton pied s'est posé. À propos, tu les as lavés? Oh. Puis ta tante, t'es la bonne à tout faire. Tiens, cuisinier et capitaine, je me demande ce qu'il peut bien vouloir, celui-là. Je vous apporte un message de votre fils Eilif. Le cuisinier a voulu m'accompagner. Vous lui avez fait une grosse impression. Si je l'accompagne, c'est pour prendre un peu l'air. Eh ben, prenez-le ici, si ça vous change. Pourvu que vous vous teniez comme il faut. Qu'est-ce qu'il veut, Eilif? Si c'est de l'argent, j'en ai pas. À proprement parler, ceci s'adressait plutôt à son frère, le trésorier. Ben, il n'est pas ici, ni ailleurs non plus, il n'est pas trésorier de son frère. Qu'Eilif vienne pas exercer sa rue, on dépend de la famille. Donnez-lui ça. C'est un péché. Exploiter ainsi l'amour maternel, il devrait avoir, moi. Ça durera pas longtemps, allez. Bientôt, il va repartir avec son régiment. Vers la mort, peut-être. Arrondissez la somme ou vous le regretterez plus tard. Vous autres femmes, vous êtes dures sur le moment et puis ensuite, vous vous en repentez. Qu'est-ce que ça coûte de donner un petit verre d'eau de vie à qui le demande? Mais non, on ne le donne pas. Et bientôt, le pauvre basse, on va dormir sous l'herbe verte. Et allez donc le déterrer. Cuisinier, ne vous attendrissez pas. Mourir dans une guerre comme celle-ci, ce n'est pas un malheur. C'est une grâce. Pourquoi? Parce que cette guerre-ci n'est pas comme les autres guerres. On y combat pour la foi. C'est une guerre sainte, agréable à Dieu. Très juste. D'un côté, cette guerre ressemble aux autres. On incendie, on massacre, on pille, on viole aussi de temps en temps. Mais d'un autre côté, elle diffère de toutes les autres guerres parce que c'est une guerre sainte. Voilà qui est clair. Tout de même, elle donne soif aussi, avouez. J'ai voulu l'empêcher de venir, mais il m'a dit que vous lui aviez tapé dans l'œil. Il rêve de vous la nuit. Un verre d'eau de vie servi par une belle main, c'est tout ce que je désirais. Et je l'ai déjà payé assez cher, tout le long du chemin, l'aumônier a fait des plaisanteries telles que j'en suis encore rouge de honte. Son habit ne lui pèse guère à celui-là. Eh ben, faut que je vous serve à voir sans quoi vous seriez capable de me faire des propositions malhonnêtes rien que pour vous désennuyer. Ah, voici venir la tentation, dit un jour l'aumônier de cour, et il y succomba. Quelle est cette séduisante personne? Ce n'est pas une séduisante personne, c'est une personne honnête. Mais ses couleurs parivettes et met ses bottes ici, rouges. En Pologne, le Polonais n'aurait pas dû s'en mêler. Évidemment, notre roi est entré chez eux avec ses chevaux, ses soldats et tout son train, c'est un fait. Mais eux, au lieu de chercher à sauvegarder la paix, qu'est-ce qu'ils font? Ils interviennent dans les affaires de leur pays. Ils attaquent leur roi au moment même où ils cheminaient paisiblement chez eux. C'est donc eux les responsables de la guerre. Et tout le sang versé retombe sur leur tête. Notre roi n'a jamais visé que la liberté des peuples. L'empereur tenait tout sous sa botte, les Polonais, les Allemands. Il fallait bien que notre roi les libère. C'est mon opinion. Votre eau de vie est excellente. Je m'en doutais à voir votre bonne mine. Mais puisqu'on parle du roi, enfin du roi de Suède, cette liberté qu'il voulait introduire en Allemagne lui a coûté très cher. D'abord, il a été obligé de lever un impôt sur le sel, chez lui, en Suède. Ils l'ont senti passer, les pauvres Suédois. Puis ensuite, il a été contraint d'écartonner et d'emprisonner les Allemands qui prétendaient rester les esclaves de l'empereur. Avec ceux qui refusaient d'être libres, le roi ne badinait pas, je vous le jure. Au début, c'était uniquement la Pologne qu'il cherchait à protéger des méchantes gens en général et de l'empereur en particulier. Mais à la fin, il a été contraint de lever un impôt sur tout. Et chaque fois, c'était le peuple qu'on avait laissé retourner. Il avait pour lui la volonté de Dieu. Oui, c'est tout ce qu'il avait pour lui, mais enfin, c'était déjà ça. Sinon, on aurait pu aller raconter qu'il ne cherchait que son profit personnel. Tandis que comme ça, il a toujours eu bonne conscience. Et à son avis, c'était l'essentiel. On voit bien que vous n'êtes pas suédois. Vous parlez autrement du roi héros. Après tout, c'est son pain que vous mangez. Son pain, je le mange pas, je le fais cuire. Si le roi de Suède est invincible, c'est que ses hommes croient en lui. À les entendre, les grosses nuques qui font la guerre que par crainte de Dieu. Ils ne se battent que pour des causes bonnes et belles, mais en réalité, ils sont pas plus fous que vous et moi. Ils font la guerre pour y gagner. Mais si la guerre rapportait rien, les petites gens comme moi ne la feraient pas non plus. C'est évident. Vous êtes au sol en terre. Vous feriez bien de regarder le drapeau qui flotte à ce mât avant d'exposer vos opinions ici, en Pologne. Mais ici, il n'y a que de bons protestants, à votre santé. Les appuis! Évidemment, avec l'ennemi sur les talons, c'est plutôt dangereux. Oh, bien heureux les pacifiques, c'est ce qu'on fait en bas de terre. Si j'avais au moins un manteau à passer, coureur! Je risque d'attirer l'attention de l'ennemi sur moi en courant trop vite. Allez, ce canon est fait dans les fonds de l'espéra. Je prends en charge ton canon. Allez, ton top. Vous êtes témoin. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais j'en durerai sur ma vie. Qu'est-ce que tu fais là avec ce chapeau de putain? Enlève-moi ce couvercle plus vite que ça. Les feuilles, ils m'y approchent. Elle a mis les bottines rouges, babyloniennes! Retire-moi ça! Mon Dieu, aidez-moi! Tirez-lui ses souliers, je reviens tout de suite! Oh. Mon Dieu, quelle nouvelle, les catholiques sont là! Où est mon chapeau? Qui a détruit mon chapeau? Je ne peux même pas promener en Venise quand les catholiques nous invitent de courir de l'air. Et j'ai pas de miroir. Je suis convenable, pas trop de poudre. C'est très bien. Mes bottines, où sont mes bottines rouges? Vous les avez pourtant laissés ici? Allons, bon! Je vais vouloir que vous ayez tenu jusqu'à ma tente maintenant! C'est scandale! Tu t'y attends, viens! Qu'est-ce que tu te ramènes là? La caisse du régiment? La foule en l'air, il n'y a plus rien à encaisser! On me l'a confié! Mon meunier, retire ta robe, ils te reconnaîtront sous ton manteau! Allez, ne bouge pas! Un peu de trace et voilà tout! On dit qu'il faut mettre la lampe sous le boisseau! Puis qu'un soldat, surtout un soldat papy, se rend compte, un minois un peu gentil, ça y est, il y a une putain de plus sous le soleil. Là, tu vois, pas mal. Tu trompes pas, il t'arrivera rien. Après, tu pourrais la pièce. Je voulais la cacher dans la roulotte. Hein? Non, Marlotte. Une imbécilité de cette taille, ça mériterait les flammes éternelles, mais tu ne comprends pas, tu nous pendrais tous les trois. Mais je vais la cacher ailleurs ou bien je vais m'enfuir avec. Reste ici, c'est trop tard pour fuir. Au nom de Dieu! Le drapeau! Le drapeau! Vous ne voyez même plus! Ça fait 25 ans que j'ai le même! Trois jours déjà que je reste ici à paresser. Le sergent-chef qui était toujours si indulgent pour moi, il doit commencer à se poser des questions et à se dire où est-il donc passé, petit Suisse, avec la caisse. Mais tu peux t'estimer heureux et personne ne t'a reconnu. Non, de quoi te plains-tu? Moi, serviteur de Dieu, je n'ose pas célébrer le moindre culte ici. Je risquerai ma vie. Quand le cœur est plein, la bouche déborde. Hélas, il ne faut pas que la mienne déborde. Et voilà. J'en ai deux sur le dos. L'un avec sa foi et l'autre avec sa caisse. on se demande lequel est le plus dangereux. Que voulez-vous? Nous sommes dans la main de Dieu. Oh, vous exagérez. Tout n'est pas perdu à ce point. Mais tout de même, j'endors plus la nuit. Surtout à cause de toi, petit Suisse. Pour moi, je crois que je me suis pas mal tiré d'affaire. Je leur ai raconté que je détestais l'antéchrist suédois. Que je l'avais vu de mes propres yeux, oui, avec ses cornes. Même que la gauche était un peu émoussée du bout. Ouais. Au beau milieu de l'interrogatoire, je leur ai demandé où je pourrais leur acheter des cierges pas trop chers. Mais heureusement, j'étais un peu au courant. Le père de petit Suisse était catholique, il faisait tout le temps des plaisanteries sur sa religion. Ils m'ont cru qu'à moitié, mais comme il manque de cantinières au régiment, ils ont fermé les yeux. Peut-être que tout s'arrangera. On est prisonniers, mais comme des rats dans un fromage. Ce lait n'est pas mauvais. Malheureusement, la quantité laisse à désirer. Il va falloir que nous modérions nos appétits suédois. Que voulez-vous? Nous sommes vaincus, n'est-ce pas? Qui est vaincu? Les victoires et les défaites des gros et celles des petits ne correspondent pas toujours, loin de là. On a même vu des défaites tourner au profit des petites gens. Rien n'est perdu, fort l'honneur. Et je me souviens qu'une fois, en Livonie, notre capitaine a pris une telle dérouillée que dans la pagaille générale, j'ai hérité d'un beau cheval. Il a tiré ma roulotte pendant 7 mois. Jusqu'au jour où le capitaine a remporté une victoire. Alors ils ont fait un inventaire. Ah, ça, une victoire ou défaite, ça nous coûte toujours aussi cher à nous autres. Le mieux, c'est quand la politique en est au point mort. Mange! Mais j'ai goût à rien. Et comment le sergent-chef va-t-il faire pour payer la solde? Quand l'armée est en fuite, on ne paie pas la solde. Et que si! Les soldats y ont droit. S'ils ne touchent pas leur solde, ils peuvent refuser de marcher. Ils peuvent refuser de fuir. T'es Suisse, ta conscience me fait peur. C'est bien que si je t'ai appris à être honnête, c'est parce que t'étais pas très malin, mais enfin, il y a une limite à tout. Bon. Et maintenant, je vais acheter un drapeau catholique et de la viande. Tiens, je prends l'aumônier avec moi. Il est formidable pour ça. Il vous choisit la viande avec l'assurance d'un somnambule. Enfin, on me laisse mon commerce, tout va bien. Qu'est-ce qu'on demande à un commerçant, après tout? C'est pas sa confession, c'est son prix. Les culottes protestantes qui nous chauffent que les autres. Elle se fait tout de même du mauvais sang pour cette caisse. Mange. Jusqu'ici, on ne nous a pas remarqués. On nous prend pour les habitants de la roulotte. Mais jusqu'à quand? Je peux peut-être la faire disparaître. Mais c'est encore plus dangereux! Ils ont des espions partout! Pas plus tard qu'hier. Il y en a un qui a surgi au-dessus du fossé où je faisais les besoins. Ça m'a fait sursauter. À peine si j'ai eu le temps de réprimer la prière qui me venait aux lèvres. Mais il aurait trahi ma foi. Il serait capable d'aller flairer ta crotte pour savoir si tu es protestant. L'espion, c'était une espèce de petit crevé avec un bandeau sur l'œil. Regarde ce que j'ai trouvé là, gourgandine, les bottines, disait-elle. Elle les a volées froidement. Tout ça parce que vous lui avez mis dans la tête que c'était une séduisante personne. Mais André, voler ses bottines à Yves. Mais elle, au moins, si elle se donne, c'est pour de l'argent, ça se comprend. Tandis que toi, c'est pour moins que rien, pour l'amusement. Et il attend de la paix pour faire la coquette. Elle ne trouve pas coquette. Elle l'est encore trop. Un peu semblable à un caillou de la campagne polonaise, mais il n'y a que ça. Je veux qu'on ne la distingue même pas du paysage. Tant qu'elle sera comme ça, il lui arrivera rien. Puis toi, laisse ton coffret où il est, tu m'entends? Et surveille ta sœur, elle en a besoin. Oh, vous me le sang, tous les deux. Je voudrais garder un sec de pute. On n'en a plus pour longtemps à se promener en bras de chemise. Oui. Les feuilles jaunissent déjà. Oh. Non, merci, je veux rien boire. Je réfléchis. Elle dit qu'elle n'endort plus la nuit. Je vais faire disparaître la caisse. Mais je sais une cachette. Va tout de même me chercher un verre, Catherine. Je vais la cacher dans ce trou de blaireau au bord de la rivière. Cette nuit ou demain matin, au petit jour, je viendrai la prendre pour la rapporter au régiment. En 3 jours, ils n'ont pas pu s'être enfuis bien loin. Il en fera des yeux, le sergent-chef. Bravo, petit Suisse! J'aurais pas cru ça de toi. Je te confie la caisse et voilà que tu la rapportes. Dieu vous bénisse, bel enfant. Vous n'avez pas vu par ici un homme du 2e régiment finnois? Deux hommes disparaissent et Catherine sort de la carriole avec un verre d'eau de vie à la main qu'elle apporte à Petit Suisse. T'as renversé la moitié. Quoi, qu'est-ce que tu as? Tu t'es flanqué un coup sur l'œil? Bon, j'y vais, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, t'as renversé l'autre vie, mais qu'est-ce que ça peut faire? Oh, c'est pas le dernier verre que je bois. Un de plus ou de moins, peu importe. Oui, je reviens. Raconte, Catherine, raconte dans l'ordre, ta mère te comprend. T'as fini par emmener sa caisse? Oui, il laverait la tête à ce voyou. Prends ton temps, Catherine, et ne jappons pas comme un chien. Qu'est-ce que l'aumônier va penser de toi? Oui. Serre-toi de tes mains. Un borgne a passé par là. C'est l'espion. Ils ont pris Petit Suisse. En perdu, nous sommes tous perdus. Et c'est le drapeau neuf. Maison, il n'y a que de bons catholiques. Lâchez-moi. J'ai rien fait, je suis innocent. Il est d'ici. Vous êtes tous de mèche, je vous connais. Non, puis quoi? Je ne connais pas ces gens-là. J'ai rien à voir avec eux. J'ai pris un pas ici, voilà tout. Ça m'a coûté 2 liards. Même que la soupe était trop salée. Qui êtes-vous? On est des honnêtes gens. Je dis la vérité, il a déjeuné ici, il a dit en payant que c'était trop salé. Vous n'allez pas me faire croire que vous ne connaissez pas ce garçon? Mais je connais pas tout le monde. Pas l'habitude de demander leur nom à mes clients, ni leur confession. D'ailleurs, du moment qu'il a payé, c'est que c'est pas un hérétique. T'es un hérétique, toi? Absolument pas. Il est resté là, assis, bien tranquille, sans ouvrir la bouche, juste pour manger. Et là, il pouvait pas faire autrement. Et toi, qui es-tu? Mais ça, c'est un aide à moi qui sert les clients. Maintenant, vous devez avoir soif, je vais vous servir un verre. Pas d'eau de vie pendant le service. Tu as emporté quelque chose. Tu allais le cacher près de la rivière. Ça faisait une grosse bosse sous ta veste quand t'es parti d'ici. Vous êtes sûr que c'était lui? J'ai l'impression que vous me prenez pour un autre. Oui. Ah, parce que moi aussi, j'ai vu un gars qui courait. Il avait une grosse bosse sous sa veste. Oui. C'était pas moi. Mais c'est ce qu'on appelle un malentendu. Ça peut arriver. Oh, je connais les hommes. Allez. On m'appelle la mère Courage. Vous avez certainement entendu parler de moi. Eh bien, je vous dis, moi, que cet homme a l'air honnête. On recherche la caisse du 2e finnois et on a le signalement de celui qui la cache. Ça fait 2 jours qu'on les court après. Et c'est toi. C'est pas moi. Et si tu nous donnes pas la caisse, t'es fichu. T'entends? Je suis sûr qu'il va vous la donner, s'il l'a, puisque vous lui dites qu'il est fichu s'il ne la rend pas. Il n'a qu'à dire, je l'ai, la voilà, vous êtes les plus forts, on n'est pas bêtes à ce point. Allons, parle, gros adet, tu vois pas que le sergent me tend la perche. Puisque je vous dis que je l'ai pas. Alors viens, on va te faire causer. Ah. Mais vous lui arrêtez de ça, si ça va. Mais allez-y doucement, vous lui arrachez les bras. Offre maints exemples d'innocents perdant ainsi la vie. Je vous rappelle la passion de notre Seigneur et Sauveur. Je sais une vieille chanson là-dessus. Au matin du vendredi, Jésus fut en hâte. Emmené comme un bandit devant le païen Pilate. À 3 heures fut flagellé en pleine poitrine et son front fut couronné d'un dur collier d'épines. Un soldat qu'on vint le soir d'un coup de sa lance perça le flanc du Seigneur. Il fit une plaie immense. De la plaie jaillit le sang, mêlé à l'eau claire. Et voici comment fut traité le Fils de l'homme. Ça lui tient plus qu'un juif. Il paraît que le sergent est pas inflexible. On peut lui toucher le cœur. Il suffira d'y mettre le prix. Seulement, il faut pas qu'on sache que petit Suisse est des nôtres, on nous accuserait de complicité. Tout est de savoir où on va trouver l'argent. Est-ce qu'il était passé par là? Je l'ai rencontré, elle avait déjà mis le grappin sur un colonel. Peut-être consentira-t-il à lui acheter une carriole de cantinier. Sérieusement, vous voulez vendre? Croyez-vous qu'on trouvera l'argent pour attendrir le sergent? Mais de quoi vivrons-nous après? Oui, évidemment. Cher Courage, quel bonheur de vous revoir déjà. Il est d'accord. C'est un excellent ami à moi, il me conseille en affaires. Alors, il paraît que vous avez l'intention de vendre la roulotte pour des raisons personnelles, m'a-t-on dit. L'affaire m'intéresse. Doucement. Je ne la vends pas, je l'hypothèque seulement. Vous êtes bien pressé. Une roulotte comme ça, vous pensez, je ne trouverai pas facilement en racheter une autre par le temps qui court. Oh, c'est qu'une hypothèque. Mais je croyais que vous vouliez vendre, alors je sais pas si l'affaire m'intéresse toujours, t'en dis-tu? Tout à fait d'accord. Une hypothèque, à moi, c'est... Mais je croyais qu'il vous fallait de l'argent. Oui, il me faut de l'argent. Mais j'aime mieux muser les pieds jusqu'aux genoux à chercher une hypothèque plutôt que de vendre tout de suite. Cette roulotte nous fait vivre, tu comprends? C'est une occasion, Yvette. On trouvera peut-être plus d'aussi belle. Peut-être pas toujours avec toi un excellent ami pour te donner des conseils en affaires. Oui, mon ami pense que je devrais conclure l'affaire, mais je sais pas, moi, si c'est qu'une hypothèque. Tu crois pas qu'il voudrait m'y acheter? Je lui ai dit même avis, oui. D'accord. Alors cherche quelque chose qui soit à vendre. Si t'as du temps à perdre, tu finiras peut-être par trouver. Vous avez une chance, toi et ton ami, en admettant qu'il veuille bien te suivre, mettons, une semaine ou deux. Tomber sur quelque chose qui te convienne. Bien. Nous pouvons chercher ailleurs. J'aime bien me promener, choisir ce qui me plaît. Surtout avec toi, mon papa. C'est un vrai plaisir, n'est-ce pas? Tant mieux si la promenade dure une semaine ou deux. Oui, oui. Quand est-ce que vous croyez rembourser si on vous est en avance? Dans 15 jours, 7-8. Je sais pas quoi faire, moi. Ma Paul, mon chéri, conseille-moi. Elle est forcée de vendre, je suis tranquille. Pour l'argent, je m'arrangerai. Tu sais, le porte-drapeau, le blond. Il sera trop content de m'avancer la somme. Il est fou de moi. Il m'a dit que je dois rappeler quelqu'un. Fais attention à ce garçon. C'est un lutin. C'est un lutin. Tu sais bien que c'est moi qui voulais te payer un petit cadeau, mon petit lapin. Non, j'ose pas te demander ça. Évidemment, si t'as peur que le porte-drapeau en profite, mon papa, j'accepte ton cadeau. Tu me conseilles de le faire? Tout à fait d'accord, cher. Moi, je me conseille de conclure l'affaire. Alors, signez-moi un reçu. Et n'oubliez pas de noter que la carriole et son contenu seront à moi si vous n'avez pas rendu l'argent d'ici 15 jours. Je vais faire l'inventaire tout de suite. Je vous apporterai les 200 florins tout à l'heure. Va devant, rentre au camp, je te suis. Tout à fait d'accord. Pour que je fasse la liste de tout ce qui se trouve dans ma roulotte, qu'on ne me vole rien. C'est donc monsieur, tu t'en vas. Yvette, c'est pas le moment de faire l'inventaire, la carriole n'est pas encore à toi. Tu me promets d'aller dire deux mots en faveur de petit Suisse. Il n'y a pas une minute à perdre, on m'a dit qu'il allait passer en cour martiale immédiatement. Attendez, je compte encore les Suisses de l'Inde. Elle dit, tu veux la mort de petit Suisse? Sois prudent. Prends un mot de ceux qui veulent le sauver. Ne dis pas qui vient l'argent. Fais tout en ton nom. Raconte-leur ce que tu voudras. Dis-leur que petit Suisse est ton amoureux si c'est nécessaire. Sans quoi ils nous pendront tous pour l'avoir aidé. Et toi avec. J'ai donné rendez-vous aux banques dans le petit bois. Il doit y être à l'heure qu'il est. Il ne va pas lui offrir les 200 florins d'un seul coup. Dépasse pas 150. C'est bien assez. Dis donc, c'est votre argent. Occupez-vous de vos oignons. Vous la donnera, allez, votre soupe aux choux et votre pain quotidien. Allez, file, prends de marchandage, il y va de sa peau. Je m'occupe de mes oignons, courage. De quoi vivons-nous après? Songez que vous avez encore une fille sur le dos. Il ne saurait gagner sa vie. Vous faites la caisse du régiment, gros malin. Le régiment ne peut pas refuser à petit Suisse de lui payer ses dépenses. Ah, peut-on se fier à cette fille? Pas pour rien, allez, qu'elle lâche 200 florins. Ah. Elle veut ma roulotte, elle est mordue et qui sait combien de temps son colonel tiendra encore au manche. Catherine, mets-toi les couteaux et prends du civi. Mais vous ne restez pas planté là comme Jésus sur le mont des Oliviers, allez, lavez-moi ces vêtements. Il viendra peut-être une cinquantaine de dragons dans la soirée et vous recommencerez à dire « J'ai pas l'habitude de trotter comme ça, je coupe pas tant pour le cul, etc. Oh. » etc. Mais je crois qu'on nous le rendra, petit fils. Dieu merci, c'est pas des loups, c'est des hommes. On peut les acheter, ils aiment l'or. La vénalité des hommes, c'est comme la charité du bon Dieu, c'est notre seule sauvegarde. Tant qu'elle existera, il y aura des jugements cléments et les innocents eux-mêmes auront des chances de s'en tirer au tribunal. Ils sont d'accord. Pour 200 florins. Il faut faire vite. D'ici, ça plus pour longtemps dans leurs mains. Le mieux serait d'emmener le banc chez mon colonel. D'ici, ça voit qu'il avait la caisse. Il lui avait mis les brodequins. Mais il prétend l'avoir jeté à la rivière quand il s'est vu poursuivi. La caisse est perdue. Alors, je vais prendre l'argent chez mon colonel. La caisse est perdue? Comment est-ce que je vais faire pour récupérer mes 200 florins maintenant? Ah, vous vouliez puiser l'argent de la caisse, et moi j'aurais été bien attrapé. Vous faites pas d'illusions. Faudra payer si vous voulez sauver petit Suisse. Ou préférez-vous que je laisse tout tomber pour que vous puissiez garder la roulotte? Je n'avais pas prévu ce coup-là. Ne fais pas de chantage. Tu l'auras, ta roulotte, elle tombe déjà en morceaux. Voilà 17 ans que je la promène. Bon, donne-moi le temps de réfléchir. Tout ça vient si brusquement. Je vais faire. Mais je peux pas céder les 200 florins. T'aurais dû marchander tout de même. Mais si je ne peux rien, moi je peux plus me défendre. Je ferai marcher dessus par tout le monde. Dis-leur que c'est d'accord pour 120 florins. Pas un sou de plus avec ça, je perds déjà la roulotte. Ils marcheront pas. Le borgne est très pressé, la ligne est en boule. Mais tu crois pas qu'il vaudrait mieux lâcher les 200 florins? Je peux pas. 30 ans que je travaille, cette fille-là en a 25, elle n'a pas de mari, c'est une enfant à moi, elle aussi. N'insiste pas, je sais ce que je fais. Dis-leur que c'est sans main ou rien. Ça vous regarde. Non, c'est pour les mères, ils sont plus à nous. Regarde ce que tu fais, tu vas te couper. Le petit Suisse reviendra. Je lâcherai les 200 florins s'il le faut. Tu reverras ton frère. Et 80 florins, on peut encore bourrer une hotte de bonnes marchandises et repartir à zéro. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il est écrit, les voix du Seigneur ne sont pas nos voix. Suyez-les, que ça brille. Il marche pas. Je vous l'avais bien dit. Le bande voulait tout laisser tomber. Il a dit que c'était trop tard maintenant. Qu'on allait entendre d'une minute à l'autre les tambours du peloton d'exécution. Je vais faire 150 florins. Son œil est resté fixe. J'ai toutes les peines du monde à le persuader d'attendre mon tour. Oh, et dès lors que je donne les 200 florins, vite. Je crois que j'ai marchandé trop longtemps. Épouvanté reste aux aguets. Et c'est la fin du tableau. Vous avez réussi votre marchandage. Vous gardez la roulotte. Tu es la 11 balles dans la peau. Vous ne méritez pas que je vous aide encore. Mais je les ai entendus. Ils sont convaincus que la caisse est ici. Ils disent que vous étiez tous de mèche avec petit Suisse et vont vous l'amener. Sachez de ne pas vous trahir en le voyant, sans quoi nous y passerons tous. Je me suis de près. Voulez-vous que j'emmène Catherine ? Elle sait. Peut-être qu'elle n'a pas entendu les tambours. Ou qu'elle n'a pas compris. Elle sait. Elle a cherché. Des jeunes dames apportent le corps sur une civière. La mère n'ose pas regarder. Catherine revient avec Yvette. On ne sait pas son nom à celui-là. Il faudrait pouvoir l'inscrire sur les registres pour que tout soit en règle. Il a passé chez toi. Il a pris un repas. Regarde-le pour voir si tu le connais. Tu le connais. Non? Tu l'as jamais vu avant qu'il vienne manger chez toi? Enlevez ça! Foutez-le sur un fumier! Personne ne le connaît. Je vous connais. C'est vous qui avez caché le trésorier protestant. Et vous feriez mieux de ne pas porter plainte. Je porterai plainte, vous avez beau dire, je suis innocent. Je dis rien, on croirait que j'ai quelque chose à me reprocher. Ils ont mis ma carriole en miettes à coups de sable. Ils m'ont pris 5 liards d'amende pour 3 fois rien. Ah, je vais vous donner un bon conseil. Bouclez-la. régiment manque de cantinières, on vous laissera votre commerce. Et puis, si vous avez quelque chose à vous reprocher, tant mieux. Vous paierez une petite amende de temps en temps. Tout le monde y trouve son compte. Moi, je porterai plein. Oh, comme vous voudrez. Et dans ce cas, il faut attendre que le commandant puisse vous recevoir. Sacrifice, bon Dieu de Borelme ! Où est la pourriture d'enfer qui nous sert le commandant ? Le chien en poche-main prime pour les saouler avec ses officiers, moi j'aurai ça pour... Ta gueule ! Ils vont te mettre en taule ! Sors de ton trou et d'ordure publique ! Allez, salut, que j'en fais plus à chier ! Me voler ma prime, le pauvre ! Il y en a plein, c'est des gonflards qui ont osé jeter dans le fleuve. Ils ont tous planché sauf moi. Et moi, j'ai même pas de quoi me payer un pot de bière, hein, saloperie. Et ça se passera pas comme ça. Et sors de ton trou, je t'ai dit, je te mets en bouillie. Et à repêcher la monture du commandant, on lui a pas payé sa prime. Il est encore jeune, il y a pas assez longtemps qu'il est à l'armée. Lâche-le. C'est pas un chien pour qu'il le tienne en l'air. Il a raison de réclamer sa prime puisqu'il l'a mérité. Il a le temps à se saouler dans sa tente et vous êtes tout à chier dans vos culottes. J'ai fait quelque chose de pas ordinaire, moi. Je veux ma récompense. M'engueulez pas, jeune homme. J'ai mes soucis, vous avez les vôtres. D'ailleurs, vous feriez mieux de ménager votre voix. Si vous y allez de ce train, vous serez à faune quand le commandant viendra. Il n'aura pas le plaisir de vous envoyer moisir dans un cachot. Mais taisez-vous, c'est plus fort que moi. Moi, je peux pas encaisser l'injustice. Vous avez bien raison, mais est-ce que ça va durer ? Combien de temps refuserez-vous d'encaisser l'injustice ? Une heure ou deux ? Vous voyez, vous n'en savez rien. Pourtant, tout est là. Mais c'est un mauvais moment à passer dans un cachot noir, celui où on s'aperçoit tout à coup que l'injustice ne vous révolte plus. Oh, je sais pas pourquoi je vous écoute. Au lieu de parler, qui est le commandant ? Écoutez, parce que tout ce que je vous dis, vous le savez fort bien. Vous savez que votre colère s'envole déjà, qu'elle était brève, que vous en aurez fallu une durable, mais où l'auriez-vous puisée ? Quoi ? Vous voulez dire que j'ai pas mérité ma prime ? Au contraire, si seulement que votre colère n'est bonne à rien. Dommage. Elle était durable, je vous dirais. Allez-y, étripez-le, c'est une crapule. Mais quoi ? Vous risquez de ne pas l'étriper, cette crapule. Vos griffes rentrent déjà et vos babines retombent. Et moi, je resterai là, dans cette tente, et c'est à moi que le commandant s'en prendra. Ah ben c'est bon. Vous allez voir si j'en fais pas du hachis, c'est comment ? Qui sort si j'en fais du hachis ? Le commandant va venir. Assis ! Assis. Il est assis, déjà. Qu'est-ce que je disais ? Vous êtes assis ? Ah, ils nous connaissent, allez, ils savent nous manœuvrer. Assis ! Et nous voilà sur nos deux fesses. Révolte assise et matée. Non, ne vous relevez pas. Vous ne retrouverez plus la fière allure de tout à l'heure. Le cœur y est plus, c'est fini. Je vous fais honte, il n'y a pas de quoi, je vaux pas mieux que vous. Notre verdeur, notre mordant, ils nous l'ont acheté. C'est comme moi. Si je porte plainte, ça risque de nuire à mon commerce. Je vais vous en raconter un bout de la grande capitulation. Là que je me disais, dans la fleur de ma jeunesse, toi ma fille, t'es pas pareil aux autres. Pas une somme va chère, t'as de l'allure et des talents, t'as de l'ambition. Des cheveux dans ma soupe, ça j'en voulais pas pour rien au monde. Je voulais pas être la bonne à tout faire. Tout ou rien, le premier venu jamais, comme on fait son lit, on se couche. Personne ne me fera la loi. Le pinceau dans la cour, siffle qu'au toujours, avant que l'année. Tu marcheras avec la clique, tu joueras sur ton petit clairon. Mets-toi dans le temps, une, deux, tout le monde dans le rang. L'homme propre aux yeux dispose tout à fait du plan. Avant qu'une année se soit écoulée, j'ai appris à ravaler ma vie. Deux enfants sur les bras, au prix qu'elle peint et tous les frais qu'on a. Ils m'ont éduqué, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. J'étais à bout, j'en pouvais plus, je demandais grâce. Le pinson dans la cour siffle, cause toujours. L'année n'est pas encore passée. La voilà qui marche avec la clique. Elle joue déjà son petit clairon. Elle se met dans le ton. Une, deux. Dans le rang, l'homme propose, Dieu dispose. Tout ça, c'est du boulot. J'en ai vu beaucoup monter à l'assaut du ciel. Nulle étoile n'est assez belle, n'est assez loin. Travaillez, prenez de la peine, quand on veut, on peut. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Ils ont tant trimé, tant remué le ciel et la terre, qu'à la fin, ils ne pouvaient plus remuer leur pauvre carcasse. Selon ta bourse, gouverne ta bouche. Le pinson dans la cour siffle, cause toujours. L'année n'est pas encore passée. Les blagues qui marchent avec la clique. Ils jouent sur leur petit clairon. Ils se mettent dans le ton. Une, deux. Tout le monde dans le rang. L'homme propose, Dieu dispose. Tout ça, c'est du plan. Vraiment, tu lui en veux à mort, reste ici, sabre au clair. Tu es dans ton droit, il faut le reconnaître. Et si ta colère est courte, va-t'en. Ça vaut mieux. Je t'emmerde. Le commandant est là. Vous pouvez déposer votre plainte maintenant. J'ai changé d'avis. Je porterai pas plainte. Se met en route. Quel malheur, ce pauvre maréchal d'Empire. 22 paires de chaussettes. Un coup de malchance s'il y est resté, paraît-il. Il a crié à ses hommes, battez-vous jusqu'à la mort. La faute à ce brouillard qui traînait sur les champs. Comme il s'en retournait vers l'arrière au petit trot de son cheval, il s'est perdu dans le brouillard. Il s'est retrouvé en pleine bataille où un boulet l'a cueilli avant qu'il ait pu crier gare. Il n'y a plus que 4 palots, hein. Une avant, on enterre leur maréchal et ils servent tous du cortège funèbre. On n'aurait pas dû payer la solde avant la cérémonie. Maintenant, ils vont tous se saouler au lieu de suivre le cortège. Et vous, vous le suivez, le cortège? Moi, je me suis tiré des pieds, il pleut trop. Vous, évidemment, c'est pas pareil, la pluie abîmerait votre uniforme. Il paraît qu'on voulait sonner toutes les cloches pour son enterrement, maréchal. Et on s'est aperçu tout à coup que tous les clochers étaient en ruine, bombardés sur l'ordre du maréchal. Pauvre maréchal d'Empire, il n'entendra même pas les cloches sonner quand on descendra dans son trou. À la place, ils feront tirer 3 coups de canon pour que ce soit pas trop miteux, ces funérailles. 17 ceinturons. Oh, cantinière à merveilleux. Ouais, l'argent d'abord. Non, on n'entre pas sous ma tente avec des bottes crottées, avec un boire d'or. Il pleuve ou non. Laisse entrer que les officiers. Ah, qu'il a eu de gros ennuis, cet an dernier, le maréchal. Hein? Avec le 2e régiment, ça tournait à la mutinerie. Maréchal payait pas la solde, il disait que dans une guerre de religion, on doit se battre à l'œil. À présent, il défile devant le corbillard. Ils me font pitié. Les empereurs, maréchaux et compagnie. Prenez par exemple ce maréchal d'Empire. Peut-être qu'il s'est dit, je vais en mettre un fier coup, qu'on parle de moi dans les temps à venir, qu'on me dresse une statue, je vais conquérir le monde entier. C'est un bel idéal pour un militaire, dans ce métier-là, il n'y a pas mieux. Bref, il se crève à la tâche, et pour finir, tout rate. À qui la faute? Au peuple, qui ne rêve que d'une chose. Boire des pots de bière en joyeuse compagnie. Les plus beaux projets s'effondrent par la mesquinerie des gens qui devraient les réaliser. Les empereurs, maréchaux et compagnie ne peuvent rien faire tout seuls, c'est évident. Ils sont bien obligés de compter sur l'appui de leurs soldats et de leur peuple, pour vrai. Courage, vous avez raison. Mais vous jugez mal les soldats. Ils soutiennent leur chef du mieux qu'ils peuvent. Allez, prenez par exemple ceux qui sirotent leur gnôle, là-bas, sous la pluie. Avec des gars de cette trempe, je m'engage à mener guerre sur guerre pendant 2 ans et plus. Et même de guerre de front, mais sans être pour autant ni général ni gros stratège. Alors vous croyez pas que la guerre risque de finir? Parce qu'un maréchal est mort? Oh, courage, ne faites pas l'enfant. Il s'en trouve à la douzaine des maréchaux. Ce ne sont pas les héros qui manquent, pas? C'est que c'est pas une question en l'air, l'aumônier. Je me demande s'il faut acheter des marchandises. En ce moment, on les trouverait à bon compte. Si la guerre allait cesser, j'aurais plus qu'à les ficher en l'air. Oui, je vois, c'est sérieux. Ah, vous savez, il y a toujours des gens pour aller crier partout, un jour la guerre finira. Moi, je dis voir. Ça n'est pas dit. Et bien sûr, de temps en temps, elle a envie de souffler un brin. Puis il peut y arriver de tomber malade, hein. Tout est possible. Rien n'est parfait sur cette terre. Une guerre parfaite, ça ne se rencontrera peut-être jamais. Une guerre dont on puisse dire, ah, voilà une guerre absolument irréprochable. Eh ben non, forcément. Un jour ou l'autre, elle vient buter sur un imprévu. Ah, il suffit parfois d'un rien, hein, d'un petit oubli. On ne peut pas penser à tout. Et voilà la pagaille qui recommence. Il faut remettre la guerre sur pied, une fois de plus. Il est vrai que l'empereur, le roi et le pape se chargent de lui venir en aide dans sa détresse. En somme, elle n'a rien de grave à craindre, la guerre. Elle a toutes les chances de nous enterrer tous. À voir, continuer entre toi, le dragon vainqueur. Il se bat pour son empereur. Il se bat pour son empereur. crois. Oh, ben voyons, courage. Réfléchissez un petit peu. Je vous demande un peu ce qui pourrait arrêter la guerre. Ah bon. Je vous demande bien. La paix. Et la paix, qu'est-ce que vous en faites? Moi, je suis de Bohème et je voudrais bien rentrer chez moi. Rentrer chez vous? Vous savez, la paix. Dites-moi, que reste-t-il du trou quand on a mangé le fromage? Oui, mais enfin, la guerre ne peut pas durer toujours. L'homme a besoin de paix pour vivre. La guerre n'exclut pas la paix. Si j'ose dire. Mais la guerre, c'est vraiment paisible. Elle a tous les besoins pacifiques. Elle satisfait tous les besoins pacifiques. C'est organisé comme ça, c'est organisé comme ça. Sinon, quoi, la guerre ne serait pas viable. On pose aussi paisiblement culotte en temps de guerre qu'en temps de paix. Hein? Entre deux escarmouches, on vide aussi bien son pot de bière. Et même en marchant à l'ennemi, on arrive parfois à faire son petit somme. La tête tassée dans un fossé, la tête sur un caillou, mais enfin, on s'arrache toujours. Hein? Non, mais... pas moyen de jouer aux dames quand les tambours battent la charge, évidemment. Mais est-ce qu'on y joue au labour en temps de paix? Tandis qu'après la victoire, il y a toutes sortes d'occasions possibles. Il arrive, par exemple, que tu perdes un membre, hein, une jambe, par exemple, si ça t'est vu. Eh bien, tu commences par crier d'abord « Vengeance sociale !» comme si c'était la fin de tout. Et puis, ça se passe petit peu à petit, hein. On te paye un coup à boire. Et tu te remets en route, la clope, la clope. Non, on remarque qu'il n'empêche pas la guerre de marcher aussi bien que si tu avais encore tes deux jambes. Et qui te défend de procréer, hein, au plus fort du carnage, derrière une meule de foin ou dans l'herbe haute? Alors, la guerre s'empare de tes jetons, ils entretiennent à leur tour, et la fête continue. Ben oui, d'une façon ou d'une autre, alors, la guerre s'en sort toujours. Pourquoi voulez-vous qu'elle finisse? Alors, c'est le moment d'acheter. Mais... je vous fais confiance. Catherine! Oh. Ah, Jésus-Marie, c'est vrai qu'elle attend la paix comme le Messie. Je lui ai promis un mari sitôt la paix revenue. Catherine! Catherine! Eh ben, j'ai gagné. Yep. Il ne fallait pas tant causer. À vous de payer maintenant. Mais sois raisonnable. La guerre va durer encore un peu de temps, comme ça on va gagner encore un peu d'argent et la paix en sera d'autant plus belle. Tu vas aller à la ville. Tu passeras prendre les effets qui sont au lion d'or. Seulement ceux qui veulent la peine. Les autres, on ira les chercher avec la roulotte. La secrétaire va t'accompagner. Est-ce que tous les soldats sont à l'enterrement du maréchal? Il peut rien t'arriver. Attention qu'on ne te vole rien. Pense à ton trousseau, Catherine. Peut-on la confier au secrétaire? Elle n'est pas assez jolie. Personne n'aura envie de lui faire du mal. Souvent, je vous admire, courage. À vous voir comme ça mener votre petit commerce. Et vous sortir toujours d'affaires. Ah, je comprends comme vous appelez le meilleur courage. Pas du courage aux pauvres gens, sans quoi ils sont fichus. Rien que se lever le matin et labourer un champ en temps de guerre, ou mettre des enfants au monde quand l'avenir est sans espoir, ça suppose un sacré courage. Vous pourriez nous prendre du bois, hein? Je suis pêcheur d'âme, courage, pas bûcheron. Et moi, j'ai pas d'âme à pêcher, mais j'ai du bois à couper. Qu'est-ce que c'est que cette pipe? Une pipe. Non, c'est pas une pipe, c'est la pipe. Oh. C'est la pipe du cuisinier, le cuisinier du régiment Oxenstierne. Ben, si vous savez pourquoi le demander, hypocrite. Parce que je me demande si vous la fumez consciemment, cette pipe-là. Il se peut qu'en fouillant dans votre matériel une pipe, n'importe quelle pipe, vous tombe sous la main et que vous la pourriez par distraction pure. Ben, pourquoi allez-vous chercher plus loin? Parce que ce n'est pas cela. Vous la fumez consciemment. Mais quand ça sera? Courage! Courage, mon devoir est de vous mettre en garde. Il est peu probable que vous revoyez jamais ce monsieur. Et ce n'est pas tant pis, c'est tant mieux. Il m'a pas vu une impression favorable, hein? Bien le contraire. Oh, c'est un gentil garçon. Vous appelez ça un gentil garçon? Mais pas moi! Attendez, pas. Oh, remarquez que je n'y veux pas le moindre mal. Ah non. Mais gentil garçon, non. J'appelle pas ça un gentil garçon, moi. Je plutôt un donjon, même un donjon rusé. Quand vous ne me croyez pas, vous ne me croyez pas, bien regardez un peu cette pipe. Hein, regardez-la. Avouez qu'elle jette une triste lumière sur son caractère, non mais. Hein. Je vois rien, elle est usée, c'est tout. Cette pipe est percée à coups de dents. Une brute. C'est la pipe d'une brute. Renfroi, Ilois. Voilà ce que vous feriez si vous restez une parcelle de bon sens. Mettez pas de billets en pièces. Je faisais des études, je n'étais pas bûcheron. Je suis pêcheur d'armes. Moi, j'ai étudié la théologie. Gaspillissime. Mon talent et mon savoir, les travaux de force, on les enfriche les dons que Dieu m'a donnés dans sa grâce. T'as péché. Jamais vous ne m'avez entendu prêcher. Un seul de mes sermons galvanise tous les hommes d'un régiment, à tel point qu'ils ne voient plus dans l'armée ennemie qu'un troupeau d'agneaux bêlants. Qui risque leur vie désormais en regard de la victoire finale. Une loque puante dont on se débarrasse. Dieu m'a donné l'éloquence en partage. Je prêche à vous ravir l'usage de vos yeux et de vos oreilles. Moi, j'ai pas envie de perdre l'usage de mes yeux et de mes oreilles. Qu'est-ce que je deviendrai? Courage. Je me suis dit souvent, courage, que sous vos airs désabusés se cachait une nature ardente. N'auriez-vous pas besoin de chaleur, comme toute créature humaine? Ben, il fera chaud sous ma tente pourvu qu'on ait du bois en suffisant. Non mais écoutez-moi, ne vous dérobez pas. Non, sérieusement, courage, j'ai longtemps pensé à la vie que nous pourrions avoir tous les deux si nous établissions entre nous des liens plus étroits. Les ouragans de ce siècle dernier, ils ont étrangement rapprochés. Je les trouve assez étroits comme ça. Je prépare vos repas, vous me le rendez du mieux possible. En fendant du bois, par exemple. Non, mais vous savez ce que j'entends par étroit. Ça n'a rien à voir avec la corvée de bois, la cuisine ou toute autre vile nécessité. Non, courage, vous en supplie, laissez-vous aller, ne vous endurcissez pas. Non, ne vous moquez pas, c'est très sérieux ce que je vous dis. J'y ai mûrement réfléchi. Vous emballez pas, l'aumônier. Vous m'êtes sympathique, me forcez pas à vous laver la tête. Ce que je cherche, c'est à nous tirer d'affaire au mieux, moi, mes enfants et la roulotte. J'ai pas le cœur à la romance. En ce moment, je cours un gros risque en achetant du matériel. Maréchal d'Empire est mort et tout le monde parle de paix. Ah, que deviendriez-vous si je perds tout mon bien? Vous voyez, vous n'en savez rien. Eh bien, fendez-nous du bois. On arrache au le soir. Et par le temps qui court, c'est pas si mal. Qu'est-ce que c'est? La petite Catherine arrive blessée. On n'a pas dû se laisser aller seule. Non, alors, je sais rien. Là, oui, une simple blessure. Non, mais on va te mettre un bandeau et dans 8 jours, il n'y paraîtra plus. Oh, on ne peut pas leur en vouloir, qu'est-ce que vous voulez? Ces gens-là ne violaient personne tant qu'ils vivaient en paix chez eux. Les coupables sont ceux qui poussent à la guerre. Ils mettent l'humanité sans dessous-dessous. Ils font du vice la vertu. Le secrétaire t'a laissé revenir seul? Bien sûr, les filles convenables, ils se moquent pas mal de ce qui peut leur arriver. Non, la plaine n'est pas profonde, va. Il t'en restera rien. Là, le pansement est fait. Mais j'ai quelque chose pour toi, ne pleure plus. Là. Je l'avais mis de côté, sans rien dire. T'es content? Fait le temps que t'en avais envie. Allez! Laissons à toi maintenant, mets-les vite avant que je les regrette. Mais il t'en restera rien. Et puis même s'il y paraissait un peu, c'est pas moi qui m'en plaindrais. Il n'y a pas plus triste sort que celui des filles qui leur plaisent. Ils les roulent jusqu'à ce qu'elles soient foutues. Quand on leur déplaît, au moins ils vous laissent la vie. C'est comme les arbres. Les arbres droits et vigoureux, on les abat pour en faire des poutres. Les arbres torts. les laisse vivre en paix. Ainsi, tu devrais t'estimer heureuse. Elles sont encore bien, ces bottines. Je les avais graissées avant de les cacher. Il disparaît sans accepter les bottines rouges dont elle avait tant envie. Espérons qu'elle n'est pas défigurée. Il en restera toujours une cicatrice. Elle a fini d'espérer la paix. C'est bien défendu. On lui a rien volé. J'aurais peut-être mieux fait de pas lui dire de se défendre. Si je pouvais savoir ce qui se passe dans sa tête. Une fois, elle n'est pas rentrée toute la nuit. Une seule fois dans toute l'année. Après, elle a continué d'aller et venir comme auparavant, mais elle s'est mise à travailler davantage. J'ai jamais pu savoir ce qui lui était arrivé cette nuit-là. C'est ça, la guerre. Un joli gagne-pain. Ils enterrent leur maréchal. C'est un moment historique. Ils ont cassé la figure à ma fille, c'est ça pour moi le moment historique. D'ailleurs, si elle est muette, c'est encore la faute de la guerre. Tout petit, c'est un soldat lui a enfourné du crottin dans la bouche. Les Suisses, je ne reverrai plus. Quant à Elif, Dieu seul sait où il est. Maudite soit la guerre. En tout cas, la guerre nourrit mieux son monde. C'est pour la guerre que t'en passe forte. On vaincra sans foi, mon garçon. La guerre, c'est fait pour le commerce. Au lieu de c'est que nous avons marché. toute la nuit. 7 lieues pour venir jusqu'ici. Et il faut que nous soyons de retour dans la journée. Que voulez-vous que je fasse de vos chiffons? Allez les vendre en ville. Mais attendez au moins de les avoir vus. Non. Ça ne donnera rien. Allons-nous-en. Mais à quoi penses-tu? Si nous ne payons pas les impôts en retard, l'officier viendra faire la saisie. Elle nous donnera peut-être 3 florins si tu ajoutes encore ta croix en or. Écoute, mais... Qu'est-ce qu'il est en train de sonner les cloches en plein milieu de la semaine? La paix! La paix! Le roi de Suède est mort! Qu'est-ce qu'il crie? La paix? Alors ça, c'est le bouquet! La paix au moment où je viens d'acheter des réserves! Non, c'est vrai, c'est la paix? Oui, c'est la paix! La paix! C'est la paix! Pourquoi tu l'as dit l'Écosse? C'était pas pour la paix, hein? Mais! C'est la paix! La paix! La paix! Mets tes habits noirs, on va aller à l'église, c'est le moins qu'on puisse faire pour tes suites! Mais qu'as-tu? Mais si tu t'es encore un bavard! Mais je remettrai la sellerie sur pied, on redonnera son lit au père, tu verras! Tout ira bien! Ça va mieux maintenant? Tu peux marcher? Elle n'y croyait pas à la paix! Mes pères y a toujours cru! Viens vite, rentre chez nous! Allez-lui! Ils sont déjà partis. Mais qu'est-ce qu'ils font encore? Les hommes sont rassemblés, je vais aller voir. Dites donc, si je remettais mon habit d'église, qu'est-ce que vous en pensez? Vous feriez mieux de vérifier la nouvelle avant de vous afficher en habit d'antéchrist. Mais si c'est la paix, je suis bien contente, tant pis si elle me ruine. Je serais quand même arrivé à tirer sain et sauf 2 de mes enfants jusqu'au bout de cette maudite guerre. Et maintenant, je vais revoir mon élite. Regardez donc qui descend la ruelle du camp. Ma parole, monsieur, c'est le cuisinier du capitaine, en personne. Tiens, tiens, l'aumônier. Courage. Une visite. J'avais promis de revenir si tout que je pourrais faire, hein, brin de Crozette. J'ai pas oublié votre eau de vie, madame Thierry. J'ai marié. Cuisinier du capitaine après tant d'années. Où est mon Élie? Alors je pensais le trouver ici. Il s'est mis en route juste avant moi pour venir. Je vais remettre mon habit d'église. Catherine! Catherine, elle est première! Donne vite un verre pour le cuisinier! Sur ton poing, il n'y pense plus, je l'en vais un ami. Elle lui ont abîmé un œil. Il n'y paraît plus beaucoup, mais elle est persuadée que tout le monde voit que ça. Ah, la guerre. On m'a retrouvé bien mal en point. Je suis ruiné. Pas de chance. La paix coupe la gorge. Récemment, j'ai acheté de nouvelles marchandises sur les conseils de l'aumônier. Maintenant, c'est la débandade. Chacun rentre chez soi. Je reste avec ma réserve sur les bras. Aussi a-t-on eu d'utile les conseils de l'aumônier? Si les catholiques n'étaient pas arrivés aussi vite la dernière fois, je vous aurais mis en garde. C'est un picassier. Alors, il fait la loi chez vous, maintenant? Il me lavait la vaisselle, il m'aidait à tirer la roule. Lui, tirer? Oh. Tel que je le connais, il a dû vous servir une certaine quantité de petites plaisanteries de son cru. Il a une conception de la femme absolument répugnante. J'ai eu beau chercher à l'influencer dans le bon sens, ça n'a servi à rien. C'est un garçon qui n'est pas sérieux. Vous l'êtes sérieux, vous? Si je ne suis pas sérieux, je ne suis rien du tout. À votre santé. Ben, les gens sérieux, ça vaut rien. Ça m'est arrivé une fois, une seule fois, Dieu merci, d'avoir un homme sérieux. Jamais j'ai eu la vie aussi dure. Avouez qu'on est sérieux, c'est pas une recommandation pour moi. Toujours la langue bien aiguisée, mère Courage. D'ailleurs, moi, ça me plaît. Et tout de même pas me raconter comme l'autre fois que vous rêvez de moi la nuit. Oui. Et nous voici maintenant à écouter carillonner la paix. Et voici cette eau de vie que vous savez si bien verser. C'est qu'elle est fameuse. Je me fous bien des carillons de paix alors qu'il est. S'ils payent pas les arrières et le sol, je me demande ce que nous allons devenir, moi et ma fameuse eau de vie. Vous en réglez votre dû à vous? Pas tout à fait. C'est pour ça que chacun est parti de son côté. Moi, je me suis dit, dans ces conditions, il ne me reste plus qu'une chose à faire. C'est d'aller rendre visite aux amis. Et me voilà maintenant assis comme ça, à côté de vous. Maman dit, vous n'avez pas un sou. Ils n'ont pas bientôt fini de nous casser les oreilles avec leurs cloches. Mais moi, ce qui me plairait, ce serait de faire un peu de commerce par-ci, par-là. Non, être cuisinier, ça ne me dit plus rien. J'aimerais encore mieux me battre, seulement voilà, ils ont fait la paix maintenant. Mais bon, on parlera de ça plus tard. La vie est encore bon. Quelques trous de mythe. Trois fois rien. Pourquoi vous donnez tant de mal? On n'a plus besoin de vous. Allez donc prêcher maintenant que le métier de soldat est un métier honnête. Et qu'il est beau de jeter sa vie aux chiens, personne ne vous écoutera. À propos, j'ai un petit compte à régler avec vous. Vous avez conseillé à cette dame l'achat de marchandises superflues sous prétexte que la guerre allait durer éternellement. Je voudrais bien savoir en quoi ça vous regarde. Parce que ça ne vous regarde pas. Que? C'est une malhonnêteté. N'allez pas vous mêler des affaires d'autrui. Il a donné des conseils qu'on ne vous demande pas. Qui se mêle des affaires d'autrui? Ah, je ne vous savais pas l'ami intime de ce monsieur. J'ignorais que vous aviez à lui rendre des comptes. Ne vous énervez pas, le cuisinier n'a fait qu'exprimer une opinion personnelle. Hein? D'ailleurs, il faut bien reconnaître que votre guerre, c'était un fameux gobard. Oh, vous devriez avoir honte de blasphémer contre la paix, courage. Vous êtes le vampire des champs de bataille. Qu'est-ce que je suis? Si vous insultez mon ami, vous aurez affaire à moi. Je ne vous parle pas à vous. On parle pas, je vois clair dans votre jeu. Mais vous, quand je vous vois t'arrêter la paix comme si tu étais un vieux torchon pourri qu'on pousse du pied, le meilleur de moi se révolte. Je m'en rends compte, allez, maintenant, ce n'est pas la paix que vous vantez, c'est la guerre, hein, parce qu'elle vous rapporte. Pour un égard, vous oubliez le proverbe ancien qui dit « Pour déjeuner avec le diable, il faut une grande cuillère. » J'ai pas d'affection pour la guerre, elle en a pas trop pour moi. En tout cas, merci pour vampire. Je ne veux plus de vous ici. Alors pourquoi critiquez-vous la paix quand tout le monde se met en fait à respirer? À cause de quelques fanfreluches qui vous restent sur les bras? Les marchandises ne sont pas des fanfreluches, j'en vis, et vous aussi, jusqu'à nouvel ordre. C'est bien ce que je disais. Vous êtes assez grand pour savoir qu'on ne doit jamais donner de conseils. Et maintenant, il faut vite vous dépêcher d'aller liquider ces fameuses marchandises avant que les prix ne descendent plus bas que terre. Mettez vos plus beaux habits et allez-y sans perdre une minute. Un bon conseil. Je crois que je vais y aller. Ah, évidemment, puisque le cuisinier l'a dit. Hé, hey, pourquoi n'avez-vous rien dit, vous? Il a raison. Cours au marché. Un point pour moi, l'aumônier. Alors vous manquez de présence d'esprit. Il fallait dire, moi, je vous ai donné un conseil. Je parlais politique, voilà tout. Vous n'êtes pas de taille à lutter contre moi. Votre habit n'est pas fait pour ces combats de coq. L'aumônier enlève son costume. Je vous préviens que si vous ne fermez pas votre gueule, je vous écorche, que cela convienne ou non à mon habit. Si vous n'êtes pas paraît comme un lutteur devant le cuisinier. Vous trouveriez maintenant facilement une paroisse. Des cuisiniers, on n'en a plus besoin. Il n'y a plus rien à cuire. Mais question de croire. Ça continue. Monsieur Lambe, s'il vous plaît, ne me prenez pas ma place ici. Depuis que je me suis encanaillé, je suis devenu meilleur. Je ne pourrai plus prêcher. Voilà, vous autres. C'est Yvette qui vient de reparaître. Elle est en deuil, mais parée comme une chasse. Je la laisse pas en perdre, brave gens. Où est la courage? Mère Courage, la colonelle de Starenberg désire vous parler. C'est moi, Yvette! Oh, bon, Yvette! Passe à prendre de vos nouvelles! Pierre! Yvette! Ça alors, comment es-tu venu par ici? Avec le train des équipages. Non, vous vous connaissez? Intimement? Je crois bien. Il est gras! Mais t'es pas des plus élancés, toi non plus. En tout cas, voyou, je suis bien contente de te rencontrer. De pouvoir enfin te dire ce que je pense de toi. Allez, débarrassez-vous de tout ce que vous avez sur le cœur. Attendez d'abord que la mère Courage vous entende. Yves! Mais t'es en deuil. Ça me va pas bien? Mon mari, le colonel, est mort il y a quelques années. Un vieux qui a failli acheter Marlowe? Son père aîné. Mais ça n'a pas l'air d'aller trop mal pour ça. Non, voilà une au moins dont la guerre aura fait quelqu'un. Il y a eu des hauts et des bas, et c'est sur un haut que la guerre m'abandonne. On ne vient pas me dire à moi du mal des colonels, ça ramasse l'argent à la fête. À votre place, je remettrai mes bottes. Vous aviez promis de dire ce que vous pensiez de ce monsieur, madame la colonelle. Yvette, c'est pas des clés ici. Un ami à moi, Yvette. C'est lui, Pierrot Lapide. Ah, puis-je vous l'appelle, petit surnom, je m'appelle Lande. Pierrot Lapide, celui qui tournait la tête à toutes les filles. Et donc, fais garder votre vie. Eh, la même fumée. Une chance que ce soit là pour vous mettre en garde. C'est le pire gredin qu'on ait jamais vu en liberté sur la côte des Flandres. Il en a réduit au désespoir des femmes. Une fourche à deux de la main! Ah, tout ça, c'est de l'histoire ancienne! Lève-toi quand une dame te parle! Oh, ce que j'ai pu l'aimer, cet homme! Et lui, pendant ce temps-là, il couche avec une petite noire ronde aux entailles! Il a fait son malheur, elle aussi, naturellement! Enfin, je t'ai plutôt porté bonheur, il me semble! Ferme ta gueule, tu ne distrais pas! Méfiez-vous de lui! Tout décrépit qu'il soit, il reste un danger. Mais viens avec moi, il faut que je me débarrasse de tout ça avant que les prix ne tombent plus bas que terre. Tu pourrais m'aider avec toutes les relations que tu as au régiment. Catherine, prends l'église aujourd'hui, je vais au marché. Si ton frère est libre, reviens, donne-lui un verre à boire. Quand je songe qu'un homme comme lui a pu me détourner du droit chemin, si j'ai remonté la pente envers et contre tous, c'est à ma bonne étoile que je le dois. En tout cas, j'ai gagné ma place au paradis des anges en te cassant les reins aujourd'hui, Pierrot Lapide. Je vous invite, cuisinier, à méditer cette parole. Tout vient à point à qui sait attendre. Et dire qu'un homme comme vous m'accusait de libertinage. J'ai pas de chance. Pour parler franc, j'espérais trouver ici une bonne soupe bien chaude. Je crève de faim. Au lieu de ça, on se met à déblatérer sur mon compte. Si bien que Mère Courage va se faire de moi une idée complètement fausse. Je crois qu'il vaut mieux que je file d'ici avant qu'elle revienne. Oui, je crois aussi, moi. Un aumônier, c'est fini. J'en ai déjà marre de la paix. Il faut faire périr les hommes par le fer et par le feu. Ce sont tous des pêcheurs du berceau à la tombe. Si seulement je pouvais encore être en train de rôtir un de ces chapons pour mon capitaine. Dieu sait où il est. À la sauce moutarde, avec un peu de carotte. Du chou. Hein? Du chou. Avec le chapon, c'est du chou qu'il faut. Oui, c'est juste. Mais lui, il voulait des carottes. Ah, il n'entendait rien. Mais si vous voulez. N'empêche que c'était le bon temps. Mm. Je ne le nie pas. Maintenant que vous l'avez traité de vampire, finis de prendre le bon temps. Qu'est-ce que vous regardez comme ça? Où est la mère? Deauville. On m'a dit qu'elle était ici. Ils m'ont permis de la revoir encore une fois. Et où le menez-vous? Par la note. Mais quel crime a-t-il commis? Il a pillé une ferme. La paysanne est morte. Oh, comment as-tu pu faire une chose pareille? Ce que j'ai fait là, je l'ai fait 100 fois déjà. Oui, mais maintenant, c'est la paix. Ta gueule! Est-ce que je peux m'asseoir en attendant? On est pressé. Entends-tu bien? On le comblait d'honneur pour une action comme celle-là. On l'a même fait asseoir un jour à la droite du capitaine. C'était terrorisme alors! Il n'y aurait pas moyen de dire un petit mot au bailli? Inutile! Voler son bétail aux paysans, ça n'a rien d'héroïque. Une sottise. Se laisser crever de faim, voilà la sottise. Gros malin. Et toi, tu es si malin, tu vas te faire fusiller. Il faut au moins appeler Catherine. Non, laisse-la où elle est. Donne-moi plutôt un verre d'eau à boire, j'en ai besoin. On n'a pas de temps à perdre, allez, viens. Mais qu'est-ce qu'on va dire à ta mère? Dis-lui que c'était encore pareil. Dis-lui que c'était la même histoire. Oh, tu lui dis rien du tout. Je t'accompagne de ton dernier voyage. J'ai pas besoin de toi. Tu n'en sais rien. Eh bien, il faudra bien, il faudra tout savoir. Non, mais non, ne lui dites rien. Dis-lui vite qu'il est passé et qu'il va revenir. Demain, peut-être. D'ici là, je serai de tour, je pourrai la préparer à la nouvelle. Il est seul en scène. Il ramasse son baluchon. Hé, et vous me ramenez? Je suis le cuisinier du capitaine. N'auriez pas un petit quelque chose à manger en attendant que votre mère revienne? Mais une tranche de lard me ferait plaisir, par exemple. Ou un petit bout de pain pour passer le temps. Il a la tête sous sa couverture. Ça doit être cette guerre qui revient, et puis comme ça, il faudra bien que j'attende jusqu'à demain soir pour me mettre quelque chose de chaud dans le gosier. Cuisinier, tu mens. Élie fait passer, mais il a dû repartir tout de suite. Mais alors, on va le rencontrer en chemin. Comment était-il? Comme toujours. Oh, on ne le changera pas, celui-là. La guerre n'a pas pu me le prendre, il est malin. Et vous m'aidez à emballer? Oui. Et qui vous a raconté? Hein? Il est toujours bien vu de son capitaine, il est encore distingué. Oui, il paraît qu'il a remis ça. Ben vous me raconterez ça tout à l'heure. Catherine, on continue, la paix est déjà finie. Allez, en route. Hé, que vous faites, vous? Je vais m'engager. Eh oui, l'aumônier. En ville, avec Élie. Ben, accompagnez-nous un bout de chemin, j'ai besoin d'un aide. Et cette histoire avec Yvette? Il n'y a pas de feu sans flore. Alors, vous venez? Ah, oh, je dis pas non. Hé, attelez-vous! Hum? Hé, un quignon de pain. Ah, mais elle aura été courte, la paix, hein? Peut-être qu'avant la nuit, j'aurai retrouvé mon élite, c'est mon préféré. Et voilà, la fête continue! Il disparaît sous les froids, qui rend la carriole. Au-dessus de Bayreuth, le long de la route où défilent les armées suédoises en retrait. Cette année-là, l'hiver fut rude et précoce. Les affaires vont mal et il ne reste plus qu'à mendier son pain. Le cuisinier a reçu une lettre du Trecht. Tout est noir, il dort encore. c'est un presbytère. Pour sonner des cloches, il faudrait bien que le pasteur sorte de ses plumes et chauffera ta soupe. Et pour qui sonnerait-il? Tout le village est brûlé. Non, il est habité, j'ai entendu aboyer un chien. Si le pasteur a de la soupe, il n'en donnera pas. Peut-être que si on chantait. J'en ai jusque-là. J'ai reçu une lettre d'Utrecht. Ma mère est morte du choléra. L'auberge m'appartient. Ah tiens, là, la lettre, si tu ne me crois pas. On pourrait reprendre l'auberge, Anna, réfléchis un peu. Ben, ce soir, j'ai pris ma décision, je retourne à Utrecht, avec ou sans toi. J'en perds la Catherine. Ah, laisse-la où elle est. Il n'est pas question de prendre Catherine avec nous. Il n'y a pas de place pour elle à l'auberge. Et les clients ne tiennent pas à avoir une infirme sous les yeux, je les comprends. Mais pas si fort. Ah ben, c'est comme ça. À nous deux, si on en met un coup à la rigueur, on pourra s'en tirer, mais à trois, on tournera jamais. Et Catherine a qu'à garder la roulotte. Il y a de la lumière au presbytère, on peut chanter. Mais je peux pas l'abandonner, cuisinier. Mais qu'est-ce qu'elle ferait toute seule avec la roulotte? Elle a peur de la guerre, elle tiendrait pas le coup. Je l'entends jungle la nuit, les soirs de bataille surtout. Je sais pas ce qu'elle peut bien voir dans ses rêves, elle est malade de pitié. Dernièrement, j'ai encore trouvé caché dans ses affaires un hérisson qu'on avait un peu écrasé sur la route. L'auberge est trop petite. Mon bon monsieur, serviteurs et gens de la maison, écoutez la chanson de Salomon et autres grands esprits à qui ça ne servit à rien d'être ce qu'ils étaient. À nous non plus, ça ne sert à rien d'être de braves gens. Tout ce que nous y gagnons, c'est d'avoir la vie dure, surtout en hiver. Prenez le sage Salomon, il eut gloire et puissance. On loue par son équité, or il n'a plus dans l'existence qu'un vaincu de vanité. Qu'il sage Salomon, et bien avant la fin du jour, le monde en avait vu les suites, la sagesse lui jouait de mauvais coup. Enviez ceux qui en sont ils. Ils mettent même pas le nez à la fenêtre. Mon bon monsieur, serviteurs et gens de la maison, on dit qu'il faut s'oublier soi-même et partager ce qu'on a. Ben oui, mais si on n'a rien. Ah, évidemment, les philanthropes, ça doit faire des sacrifices. Mais nous, on a besoin de quelque chose pour vivre. La charité, ça rapporte pas. C'est pour ça que c'est une vertu si rare. Bon Saint-Martin, comme chacun sait, plaignait les miséreux. Il vit un pauvre grelottant. Il fendit son grand manteau sur le champ et ils sont morts tous deux. Gelés. Ce fut charitable à l'excès. Eh bien, avant la fin du jour, le monde en avait vu les suites, la charité lui jouait de mauvais tour. Enviez ceux qui en sont. La vertu ne paye pas, c'est la méchanceté qui rapporte. Ainsi va le monde. Il va pas bien. Si nous voyions tous gens de bien suivre les lois de Dieu, sans en tirer de récompense, vous qui mangez votre soupe auprès d'un peu, voyez notre grande souffrance. Nous suivons les lois du bon Dieu. Eh bien, avant la fin du jour, Le monde en peut bien voir les suites. La fille était toujours de mauvais jour. En fille et ceux qui en sont quittes. Montez, on va vous donner de la soupe. Non, non, je ne pourrais rien avaler. Non, je ne dis pas que tu n'as pas de bonne raison, mais est-ce que c'est ton dernier mot? On s'entendait bien tous les deux. C'est mon dernier mot, réfléchis. Mais si tu réfléchis, je ne l'abandonnerai pas ici. Tu fais une bêtise, mais moi, j'y peux rien. Je suis pour un monstre seulement, elle est trop petite, l'auberge. Allez, viens, dépêche-toi, montons, sans ça on va s'être gelé à chanter pour rien. Je vais chercher Catherine. Mais rapporte plutôt quelque chose, si on arrive à trois, ils vont prendre peur. Catherine sort de la carriole. Elle jette un baluchon par terre. Écoute à la porte par où est entrée sa mère. Pas à la main. Stupéfait. Il aperçoit ses vêtements par terre. S'approche du baluchon. Le ramasse. Tableau. Mère Courage et sa fille Catherine cheminent sur les routes de l'Allemagne centrale. Elles suivent des armées toujours plus misérables. Janvier 1636. Les troupes impériales menacent la ville luthérienne de Halle. Les pierres se mettent à parler. La guerre est loin d'être finie. c'est la nuit. D'un bosquet, un lieutenant et trois soldats lourdement armés surgissent tout à coup. Je ne veux pas un bruit. Au premier cri, un coup de pique. Mais il faudra bien frapper à la porte si on veut avoir un guide. Mais frapper une porte, ça ne fait pas un bruit normal. On peut croire que c'est une vache qui couche dans les tables. Non. Lui là, c'est notre garçon. Et ça, c'est une muette. Sa mère est allée faire des achats en ville pour son commerce. Parce qu'il y a un tas de gens là-bas qui vendent à bas prix avant de s'enfuir. La mère est cantinière. C'est des bohémiens, quoi. Alors attention, tenez-vous bien tranquille. Au moindre bruit, vous avez une pique dans les reins. Il me faut quelqu'un pour me montrer les sentiers qui mènent à la ville. Toi, viens. Connais point le sentier. Connais point le sentier. Jette point les catholiques. Je ne sais pas, je mourrai plus tôt. Je connais un moyen pour la saisir. De vache et odeur. Écoute, si tu fais la mauvaise tête, je massacre ton bétail. Touchez pas au bétail. Le capitaine, faut pas tuer notre bétail. On ne mourrait pas. S'il ne cède pas, tout le bétail va y passer. Je commence par le bœuf. Un, deux. J'y vais. Merci, monsieur le capitaine, de nous avoir épargnés. Dieu vous le rende au siècle des siècles. Ainsi soit-il. Je le savais bien. Ils tiennent plus à leur bœuf qu'à leur peau. Je voudrais bien savoir qu'ils manigancent. Rien de bon, pour sûr. On ne peut rien faire. Prie, pauvre bête, prie. On ne peut rien contre le sang qui va couler. Si t'es pas capable de parler, tu peux au moins prier. Il t'entendra, lui, si personne d'autre t'entend. Je vais t'aider. Notre Père qui est aux cieux, écoute notre prière. Laisse point périr la ville et tous ceux qui sont dedans et qui dorment sans douter de rien. Réveille-les, qui se lèvent, qui aillent au mur et qui voient les autres descendre les prés avec les piques et les canons dans la nuit. Protège notre mère et fais que le veilleur ne dorme pas. Fais qu'il se réveille, sinon il sera trop tard. Assiste aussi notre beau-frère qui est dans la ville avec ses quatre enfants. Les laisse point périr, ils sont innocents, ils comprennent pas. Le plus jeune a 2 ans, l'aîné en a 7. Notre Père, écoute-nous, il n'y a que toi qui puisses nous venir au monde. En aide, nous, on est trop faibles, on périrait, on n'a ni armes, ni rien, on n'ose pas bouger, on est entre tes mains avec le bétail et toute la ferme et toute la ville aussi, elle est entre tes mains. Et l'ennemi guette sous les murs avec une grande armée. Protège les enfants qui sont en grand danger, les plus petits surtout, les vieillards qui n'osent pas remuer, et toutes tes créatures. Et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ainsi soit-il. C'est Catherine qui, montée sur le toit, bat du tambour. On est innocents, elle est rentrée sur le point d'avoir, elle n'est pas chez nous. Où est les chevaux ? Là-haut ! Chaque secours, je te l'ordonne ! Vous êtes tous de mèche, vous rassez tous. J'en prenais un tronc pour la trilogie de là. Il y a des feux abattus dans la forêt. On est là, j'ai une proposition à faire. Ainsi. Voilà ce qu'on te propose. Tu as tout à y gagner. Descends et suis-nous dans la ville. Tu nous désigneras ta mère et elle aura la vie sauve. Et je suis officier, moi. C'est une parole d'honneur. Oh, il n'y a rien de sacré pour eux. Si ça continue, ça va aller pour finir par l'entendre. Il faut trouver un bruit qui soit plus fort que 30 jours. Les quoi est-ce qu'on pourrait faire du bruit? Je croyais qu'il fallait pas faire de bruit. Il faut faire un bruit tout bête, imbécile. Un bruit de poignet. guerrier. Je pourrais fendre du bois avec ma hache. Oui, je fends du bois. Et comme plus vite, comme plus fort, la tente à l'autre. Allez, moi aussi, peuple, j'ai qu'une hache. Il ne faut pas la faire pour l'enfumer. Hé, hey, ça servira, j'ai un jeune capitaine. Ceux de la ville verront le feu et seront avertis. Allez, on va faire, on va y mettre. J'en ai marre, je mets la canarie, tant pis si ça donne l'alarme. Allez chercher le mousquet. J'ai une idée, monsieur le capitaine. Si on démolissait sa carriole, sûrement elle s'arrêtera. C'est tout ce qu'il possède. Ah oui? Allez, démolis la carriole. Allez! On te démolit la carriole si tu n'arrêtes pas. Allez! Allez! Et alors, qu'est-ce qu'il fout, c'est le saloperie? Avec le mousquet. Oh, ils n'ont encore rien entendu de la ville. Leur canon tirait déjà. Tu vois? On ne t'entend même pas de la ville. Tu vas te faire tuer pour rien. Une dernière fois, jette le tambour. Continue de battre! Pourquoi ils y passeront tous? Battre! Rendez-vous! C'est pas dans le nom! C'est bien fait! Continuez! En position, vite! Une dernière fois, cesse de battre! Fini le vacarme. Elle a réussi son coup. Va passer. Partez avec lui. La mère Courage est accouplée près de sa fille morte. Pas aller trafiquer à la ville, tout ça serait peut-être pas arrivé. J'ai contente qu'elle dorme. Mais elle ne dort pas. Vous ne voyez donc pas, elle est morte. Oui. Maintenant, dépêchez-vous, partez. La région est infestée de loups et de brigands qui sont pires que les loups. Oui. Il est temps. Je m'en retourne à mes affaires. Vous avez quelqu'un chez qui vous pouvez aller? Ah oui, j'ai quelqu'un. Il! Il faut le retrouver. Celle-là, on la fera enterrer comme il faut. Vous pouvez partir tranquille. Oui. pour les frais. Père et le fils enlèvent la morte. Amère Courage reste seule. C'est un régiment qui passe dans le front avec tambours et fifres.